Notre-Dame à Paris où un incendie s'est déclenché. Des croix décellées, 43 tombes dégradées. Le petit cimetière de Montjavoux n'avait jamais vu cela. Le projet de loi sur le mariage pour tous, promesse du candidat Hollande, sera examiné dès le 29 janvier au Parlement. Bon, moi, je ne suis pas catholique, je suis chrétienne. Catholique, c'est chrétien, justement. Bah alors, je suis catholique, chrétienne, oui, excuse-moi. Mais moi, je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas, si tu veux, aux religions, à n'importe quelle religion. Cartésienne, je crois plus en la science. En Occident, officiellement, Dieu n'existe pas. Dieu, c'est une croyance personnelle. Tout ça, c'est la faute des Juifs. C'est une bonne nouvelle, Christian envahisse l'Europe. C'est une excellente nouvelle, ça montre une marche. Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue dans Oremus, votre podcast national catholique mensuel. Nous sommes ici pour l'émission de juin 2025. Je vais faire quelques petits rappels auxquels vous êtes habitués. Donc, je répète, nous sommes présents sur Gab ainsi que sur Odyssée à l'adresse Oremus officielle. Sur Telegram aussi, toujours à l'adresse Oremus officielle. Nouvellement aussi sur Twitter X, à l'adresse Oremus underscore officielle, donc Oremus tiré du 8 officiel. Voilà pour les petites annonces, comment nous suivre sur les réseaux. Même sur Spotify, il y a un auditeur qui nous a propulsé sur Spotify, donc on mettra aussi le lien. Et on lui a pas demandé spécialement, on ne sait même pas trop qui c'est. Et c'est pas grave du tout d'ailleurs, on lui dit un gros merci, parce que je pense que l'appel a été entendu. C'était typiquement le genre d'appel qu'on avait fait régulièrement à travers les émissions pour nous aider. Donc on avait fait des rappels pour demander de nous partager sur YouTube notamment, pas que. Et quelqu'un a pris l'initiative de le mettre sur Spotify, c'est excellent. Donc si vous avez des initiatives comme ça à prendre un peu à droite à gauche, nous sommes totalement preneurs. Donc un gros merci à cet auditeur. Toujours dans les annonces, on a vu que notre journal ami préféré, notre hebdomadaire préféré, Rivarol, était dans la difficulté. Pareil, on vous mettra un lien si vous voulez soutenir l'hebdomadaire, parce qu'on en a bien besoin. Le jour où Rivarol disparaît, en fait, il n'y aura plus de presse alternative en France, donc ça serait bien dommage. Et ils sont en danger financièrement, donc... Pareil, on mettra le lien, et puis pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez aller, ça fera plaisir à Jérôme Bourbon, qu'on salue d'ailleurs au passage. J'ai la dernière annonce, après je passe la parole aux autres, ne vous inquiétez pas. Hein. La dernière annonce, c'est que, pour dire un petit désolé, un petit mea culpa, parce que on devait faire une émission spéciale aujourd'hui avec un invité de marque que vous connaissez tous, ça va se faire, à chaque fois qu'on l'a annoncé, ce genre de choses, ça s'est toujours fait. Ça va se faire, ne vous inquiétez pas, c'est juste que ce sera le mois prochain. Voilà, on est obligé de décaler d'un mois. Ça arrangeait pas spécialement notre intervenant ni nous, donc on a préféré jouer la sécurité. Ça arrive le mois prochain et du coup, quand vous connaîtrez l'invité de Marc, je suis sûr que vous nous pardonnerez. Mais il va la fermer, sa gueule ! Après toutes ces belles petites annonces, je vais enchaîner sur la présentation des membres. Je commence par Ludwig. Ludwig, Guten Tag, comment ça va ? Guten Tag, Bobby, ça va très bien. J'espère qu'il en va de même pour toi. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que là je suis en forme. On va essayer d'attaquer l'émission façon Blitzkrieg. Pour rappel, Arbeit und Christus machen frei. À bon entendeur. Alors, je parle pas du cheval allemand, j'ai cru comprendre le travail, le Christ, je sais pas. Franchement, j'ai pas tout. Ah, ça veut dire le travail et le Christ rendent libre. Ah, d'accord. Petite référence, voilà quoi. Je ne peux pas avoir toutes les qualités, que voulez-vous ? J'ai bien quelques défauts aussi. Bon, je vais aussi accueillir quelqu'un qui, je crois aussi, ne comprend pas tout dans la langue allemande, mais parle d'autres langues. Je vais bien sûr accueillir Rex. Rex, comment ça va ? Ave Bobby, ave Ludwig, ave à tous les auditeurs. En effet, je ne parle pas la langue de Goethe, à part deux, trois mots tels que la Strasse. Je ne connais pas grand-chose. Mais voilà, je suis d'accord tout de même avec Ludwig sur le travail, le Christ et également la Blitzkrieg à la Bismarck. Donc, à bon entendeur. Hitler. Je précise que Parsifal va nous rejoindre en cours d'émission. Bon, messieurs, la dernière fois que nous étions réunis, nous étions en plein conclave, pré-conclave, on ne savait pas exactement qui allait succéder à François, et on ne pouvait pas quand même recommencer une nouvelle émission d'Oremus sans faire un petit crochet par Rome. Qu'est-ce qui se passe du côté de Rome ? Donc depuis, nous avons l'élection d'un nouveau pape, c'est des vacantistes, mettront des guillemets au mot pape, j'entends bien, en la personne de Léon XIV. Donc, c'est pas Léon XIII en mode tradit et puis on rajoute un. Non, c'est un autre genre. Et je crois, que lors de la dernière émission, justement, Ludwig et Rex avaient fait agiter une sorte de boule de cristal pour donner un peu des projections sur ce qui devrait nous arriver. Et je pense qu'on peut dire qu'on a touché juste, hein. On a vraiment visé dans le mille. J'ai l'impression qu'on est une sorte de François Bis, peut-être même un peu plus mou, on va dire, dans la forme. Par contre, dans le fond, ça reste toujours moderniste et fallait pas s'attendre à grand chose. Et bon, là, on est en plein dedans. Je pense vraiment qu'on a vu juste là-dessus et que ça va être la clé de son pontificat, ça va être la continuité de François, de manière un peu moins peut-être flamboyante, un petit peu moins, on va dire, rentre dans l'art directement, mais tout aussi corrosive. Hein. Ce qui a commencé au départ, c'est une intervention plutôt discrète, et par contre, il en fait des tonnes sur les fameuses diaconasses. Hein. Donc pareil, on disait, les gens se moquaient de nous, ah, quand même, Aurémus, ils en font des tonnes et tout, bah, vous avez vu que l'actualité nous a donné raison. Et puis, bien sûr, l'œcuménisme, nos amis les juifs, nos amis les bouddhistes, enfin bref, on est vraiment dans Vatican 2, 3, 4, 37, là. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense qu'on a vu juste. Oui, parce que les gens ont tendance, en fait, à s'interdire toute chose. Il ne faut pas critiquer trop vite, il ne faut pas parler trop vite, etc. Comme si ce brave monsieur avait 15 ans, quoi. Il est en pleine adolescence, laissez-le grandir, c'est normal s'il fait des erreurs. Bon, il ne vient pas de nulle part. Vous prenez Albino Luciani, peut-être que le nom va vous dire quelque chose, c'est Jean-Paul Ier. Il prend le nom de Jean pour Jean XXIII et de Paul pour Paul VI. Dans les années 70, il interdit tout localement, à, je crois que c'est Venise, tous ceux qui vont donner le rite tridentin, etc. Ça, c'est avant même qu'il soit pape. Bah voilà, donc il y a un cursus, quoi. Faut bien voir les choses, on pouvait le constater avant, en fait. Alors là, les gens, ils voient un néopape, un Léon -14, qui, hélas, a pris un nom assez traditionnel. Les gens ont vu le pape apparaître en balcon en tenue de pape, comme a fait même tous ses prédécesseurs Vatican II, hormis Bergoglio François, qui en effet a fait une fantaisie très progressiste d'être tout en blanc. Donc là, ils sont déjà rassurés, voilà, ils sont rassurés par des petites choses à deux balles. Et il y a aussi de l'autre côté les critiques de Tradi à deux balles en disant il chante faux, par exemple. Alors moi, j'aurais dit, c'est pas trop grave ça encore, hein, s'il pouvait faire des rites latins, mais qu'il ne chantait pas faux, voilà, je le validerais bien plus, on va dire. Donc voilà, les gens ont un cursus, ils débarquent pas de nulle part, et ils ont pas 15 ans, comme je disais tout à l'heure, un peu comme avec Jean-Paul Ier. Donc voilà, faut savoir à qui on a affaire. En politique, c'est pareil. Les nationalistes d'époque ne s'illusionnaient absolument pas sur Charles de Gaulle. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus anti-gaullistes, par exemple à partir de l'Algérie française, ou alors à partir de 44-45, par exemple. Mais il y a ceux qui étaient déjà contre et qui le connaissaient par cœur en 40, déjà. Donc, et eux, c'était les mieux avertis. Voilà. Donc, savoir un peu qui y a en face pour savoir ce que ça va donner et ne jamais s'illusionner. Voilà, si... il y a des nouvelles positives, on le dira, c'est génial. S'il n'y en a pas, bah, sachons raison garder et dire les choses telles qu'elles sont, objectivement, sans émotion, même si ça n'interdit pas 2-3 blagues. Quoi. On a eu quelques jours, voire quelques semaines, où on pouvait un peu tous être d'accord, là, qu'on soit sédémocratiste, lefébriste ou conciliaire. Pendant 2 semaines, là, on pouvait au moins tous être d'accord pour dire que là, après la mort de Bergoglio... le siège était vraiment vacant. Que penser de ce Robert Francis Prévost, alias Léon XIV ? Bien, tout à fait. En fait, c'est, on va dire, pour résumer la personne, la forme, on est plutôt sur du Ratzinger, voilà, d'apparence un peu traditionnelle sans plus. Voilà, comme tu as dit, Rex, il apparaît au balcon un peu comme ses prédécesseurs, sauf Bergoglio, voilà, avec la tenue traditionnelle en rouge, comme ça. Quelques petites phrases aussi, c'est un peu 2 plus 2 égale 4, genre par exemple il a dit « Ouais, bah, les chrétiens sont le peuple et le de Dieu, ouais bah merci, je savais que l'eau ça mouillait quoi. Mais... » Et t'as tous les tradis qui disent « Ah bah voilà, c'est la preuve que ce gars il est de l'autre côté et que c'est un vrai pape et tout, et que voilà, ce sera plus comme Bergoglio, voilà, ce sera différent cette fois. » Il leur faut pas grand chose à tradis, hein. si en même pas 14 jours de pontificat, ils ont déjà besoin de se rassurer et dire « Ah, vous voyez, ça fait 14 jours qu'il est pape et il n'a pas encore prononcé une seule hérésie. Voilà, c'est génial. » Franchement, quand tu avais un Saint Pie X ou un Pie XII, tu n'avais pas besoin de te grincer les dents et de dire « Ok, ça fait un mois qu'il est pape. Est-ce qu'il a déjà prononcé une hérésie ou pas ?» Franchement, non. On savait très bien que le pape, c'est la règle de la foi, c'est l'alpha et l'oméga, c'est le vicaire du Christ. Ça allait de soi à l'époque. Il est intéressant de parler avec Pie XII parce que il a connu l'époque moderne, même le monde post-tribunal de Nuremberg, n'est-ce pas ? Il y a un peu contribué d'ailleurs sur l'échiquier politique, si j'ose dire, parti par mégarde. Et en fait, il a tenu des discours dans les pré-sociétés onusiennes, on va dire. Il y avait des structures déjà internationales, bon, pour pas dire internationalistes. Et il intervenait, Pie XII, là-dedans, cependant, c'était surtout des discours, il rappelait la morale catholique, c'était des discours catholiques, il y avait de la philosophie chrétienne aussi là-dedans, et aucun problème. Et avec Jean XXIII, par contre, là, c'est du discours onusien vraiment dans le sens humaniste des francs-maçons, quoi. D'ailleurs, à sa mort, il sera salué par un bulletin franc-maçonnique mexicain, par exemple. Donc voilà, comme disait Ludwig, avec les papes avant Vatican II, on ne s'inquiétait pas, on n'avait pas trop besoin de couper les cheveux en 14 pour dire « Ah là, c'est bon, il est objectif, il est pas équivoque » et tout ça. Il ne l'était jamais, donc voilà, que ce soit Pie XII ou avant. Et ensuite, il y a un gros problème, là, ouais, c'est clair. Oui, typiquement dans la continuité, hein, puisque tu parlais de salutation de la part de la maçonnerie mexicaine. Bon, là, l'élection de Léon XIV, c'est carrément le Bnebrit qui a fait un communiqué, donc la franc-maçonnerie juive. Hein, c'est un concept. Déjà, la franc-maçonnerie, c'est un concept en soi, mais là, c'est franc-maçonnerie, en plus, une franc-maçonnerie raciale juive. Vous êtes goy, vous ne pouvez pas rentrer. C'est intéressant. Et ils ont le droit, eux, par contre. Hein. Si tu fais ça dans le sens inverse, ça ne marche pas, mais là, eux, ils ont le droit. Et donc, ils ont présenté des salutations et puis des félicitations au nouveau pontife Léon XIV. Alors, attendez, je vais carrément même donner la source et qu'on mettra dans la description. Et puis vous lire un court, très court passage de ce qu'ils ont dit. Donc c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont eux. La loge maçonnique juive Bnebrit International, c'est souvent international avec ces gens-là, présente ses vœux les plus chaleureux à ses partenaires et amis catholiques du monde entier pour l'élection du pape Léon XIV et félicite le cardinal Robert F. Prévost, premier états-unien à devenir pontife pour ce moment historique. Déjà, c'est quand même louche que nos ennemis nous félicitent quand même. Qu'est-ce qui se passe ? Nous sommes profondément engagés dans la coopération, le dialogue et l'harmonie interreligieuse, nous y voilà, et sommes depuis longtemps à l'avant-garde du renforcement des liens entre catholiques et juifs à l'échelle mondiale. Traduction, c'est la soumission des catholiques aux juifs. C'est pas équitable comme concept. Nous réaffirmons notre attachement à ce lien vital et espérons dialoguer avec le pape Léon XIV, comme nous l'avons fait avec ses prédécesseurs. Point. Avec ses prédécesseurs depuis Vatican II. Hein. Ça, ils l'ont pas mis, mais avant, ça se passait différemment. Très bon parallèle, et puis là, on va même faire un parallèle aller entre Léon XIII et Léon XIV. Hein. C'est que ce dernier, ce Léon XIII plutôt, n'a pas été félicité ni avant, ni pendant, ni après son pontificat par la franc-maçonnerie. C'est plutôt le contraire, puisqu'il les a pris de mire très violemment sur des thèmes de arracher le masque de la franc-maçonnerie dans Humanum Genius ou des choses comme ça. Donc là, on n'est pas salué en effet par le Benign Brit qui est exclusif. Ils acceptent non seulement que des francs-maçons, mais qui sont ethniquement juifs. C'est Monseigneur de Smet qui faisait partie du secrétariat des chrétiens, qui était rapporteur de la liberté religieuse au Concile. Alors vous voyez bien, tout ça venait donc soutenu par le cardinal Béat, bien sûr. Alors, il y avait des conférences avec les cardinaux, conférences avec les évêques, on faisait des conférences dans les grandes maisons de Rome, n'est-ce pas, pour convaincre les évêques qu'il fallait absolument voter pour la liberté religieuse et pour l'œcuménisme. Le cardinal Béat a fait, pendant ces deux années, de 60 à 62, des tournées dans le monde entier. Il est allé partout, n'est-ce pas, faire des conférences en faveur de la liberté religieuse. Il a pris des contacts avec les libraires de New York, officiels, parce que c'était dans les journaux, pas caché, avec le Conseil œcuménique des Églises, par l'intermédiaire de Mgr Gibran, avec les orthodoxes russes, la communiste, par l'intermédiaire du cardinal Gibran aussi, et des contacts officiels avec tout ce monde-là, pour leur demander que désirez-vous du Concile. les Naïvrites juifs, francs-maçons, qui sont très nombreux, très puissants, ils sont maintenant près de 200 000, au moins, réunis dans des loges uniquement juives. Eh bien, la réponse de ce monde-là, c'était « donnez-nous la liberté religieuse ». C'est-à-dire que l'Église ne soit plus considérée comme la seule vraie religion. C'est tout ce que nous demandons. Si vous nous donnez ça, il n'y a plus de problème avec l'Église catholique. Évidemment, l'Église catholique, c'est sa bordée. Alors que d'ailleurs, dans ses codes, la franc-maçonnerie, bien qu'elle elle s'inspire et elle caricature un petit peu tout, les paganismes antiques, le christianisme, les ordres du temple, et dans le lot aussi pas mal de judaïsme, hein, y a du gros code quand même gnostique, ésotérique en interne, donc voilà, c'est le cœur, c'est le nerf, le kérosène de leur structure. Et puis eux, en fait, l'exclusion d'ailleurs, ils sont contre à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils ne sont pas contre. On le voit avec le B'nai B'rith. Et on le voit également avec les loges féminines, les loges masculines qui sont radicalement séparées, là où ils ont contribué à ce que dans les écoles, petits et petites soient tous mélangés, et la même éducation dans le temps, c'était peut-être pas le cas sous la Troisième République, mais ça finit comme ça avec l'égalitarisme béat et tout ça, donc ouais, il y a quand même tout ça à mentionner, l'air de rien, pour bien troller la franc-maçonnerie, même si ça fait un peu vintage de s'en prendre à elle, hein. On a l'impression d'être en mode Vichy 1940, mais bon, ça fait plaisir aussi des fois. Ouais, pour revenir au B'nai B'rith, Léon XIV lui-même a fait ouvertement le vœu, quoi, qu'il voulait renforcer les relations entre catholiques et juifs, dans la continuité de Vatican II, et notamment de Nostra Aetate, hein. Là, en l'occurrence, il y a quelques jours, dans un discours, il a déclaré, par exemple, je cite, « Je souhaite adresser un salut particulier aux frères et sœurs juifs et musulmans. En raison des racines juives du christianisme, tous les chrétiens ont une relation particulière avec le judaïsme. La déclaration conciliaire Nostra Aetate souligne la grandeur du patrimoine spirituel commun aux chrétiens et aux juifs, encourageant la connaissance et l'estime mutuelle. » Soyez maudits, sales juifs ! Classique, on confond judaïsme talmudique et l'ancien mosaïsme dans l'ancienne alliance, voilà. Voilà, maintenant, les juifs talmudiques, ce sont nos grands frères dans la foi, comme d'habitude avec les modernistes, c'est comme ça. Donc voilà, il y a une continuité, et puis c'est normal que derrière, bien sûr, le B'nai B'rith et tous les juifs le félicitent, quoi, et le félicitent pour son élection. Et c'est sur le premier argument que tu avais mis en opposition, Ludwig, lorsque tu avais parlé des premiers moments de Léon XIV, quel critère objectif, hein, c'est toujours l'objectivité qu'on va chercher pour déterminer si c'est un bon pape ou un mauvais. Alors si c'est un pape ou pas un pape, diront certains d'ailleurs, c'est finalement, ça peut être aussi, pas besoin de parler en fait, c'est aussi son silence dit quelque chose. C'est-à-dire que si vous mettez maintenant en 2025 à la tête du Vatican un pape droit, vraiment catholique, normalement ça déménage, ça devrait déménager. Ça veut dire de 1, les réformettes nocives qu'on accumule depuis Vatican II, là. Bon, en fait, on fait tout pour que les gens s'échappent du cocon catholique et deviennent des athées, des païens, des agnostiques, des nihilistes et tout ce que vous voulez. On arrête, fin, et puis condamnation de tout ce qui s'est mal passé. Et puis, si vous voulez des réformes, là, il y a du chantier à faire. Et on met en place des réformes pour remettre de la droiture et de l'ordre dans le Vatican. C'est pas du tout ce qui s'est passé, d'accord. C'est pas une surprise en même temps. Si vous voulez, Léon XIV, avant même qu'il accède au pontificat, c'était déjà quelqu'un qui était dans toute sa vie en fait. C'était dans la lignée de Vatican II. Il y a aucune raison objective qui pourrait nous faire penser que tiens, d'un coup, ça allait changer, qu'il allait changer d'avis surtout. Non, toute sa vie, il a été moderniste. Après, on peut quand même souligner un peu la surprise générale. À l'issue du conclave, on ne s'attendait pas du tout à ce que ce personnage soit finalement élu pape. Donc voilà, il y avait Parolin, il y avait Tegel. C'est dommage d'ailleurs que ce dernier n'a pas été élu. Ça aurait été assez marrant, avoir peut-être un François II à la tête de la secte. Alors, il y a un truc qui m'a personnellement, choqué, c'est la façon dont on a su, on va dire, ce qui s'est passé durant le conclave. Ce qui est une aberration en soi. Parce que, comme tu disais, c'était le cardinal. Alors, Parolin ou Parolin, je ne sais jamais comment il faut le dire. Je crois que j'ai entendu les deux sons de cloche, donc je ne vais pas m'avancer, peu importe. Qui devait accéder, qui devait être le prochain pape, ça n'a pas été lui. Et on a appris par la presse, et c'est arrivé sur différentes sources concordantes. On a des sources. Oui, vous avez sûrement des sources. Mais moi, j'ai des sources qui m'ont dit que votre sœur, elle faisait des choses pas terribles. vraiment, j'ai les sourcils. Donc on peut estimer quand même que c'est quand même un très fort critère de vérité. Comment ça s'est passé? C'est qu'en fait, dès le début des premiers votes, Parolin, je vais dire Parolin, d'accord? Parolin, il s'est désisté, il a dit ne votez pas pour moi pour des raisons X ou Y, je ne suis pas digne, machin. Et donc bah, le Prévôt, donc le futur Léon XIV, avait déjà la moitié des votes et il a demandé à ce que ce soit reporté sur lui, c'est pour ça que ça allait très vite. Et le problème dans cette histoire, qui est un énorme problème, c'est que c'est un, ces gens sont des cardinaux, des intellectuels, ils connaissent normalement le droit canon sous le bout des doigts. Deux, c'est absolument interdit de révéler à la presse, ni à qui que ce soit, ce qui se passe durant le conclave. Trois, celui qui enfreint cette règle, normalement, il est excommunié de facto, sur le champ. C'est comme si tu révélais les secrets de la confession. On va pas me faire croire que ces gens-là ne savent pas que c'était le cas. Parce que c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave, donc il y a un secret. Pour les mêmes raisons, en fait, d'ailleurs, que le secret de la confession, c'est extrêmement grave de révéler ça au public. Et comme ça s'est passé, alors soit il y a des gens qui étaient vraiment pas au courant, mais je doute, mais à mon avis, il y a quand même certains qui savaient et qui se sont dit « Oh, bon, allez, bah, en fait, comme depuis Vatican II, hein, oh, allez, on prend des libertés, il y a des exceptions à toutes les règles, et puis on fait comme on veut, et puis basta, quoi. » Donc ces gens se moquent même de ça. C'est extrêmement grave. Ah ouais, carrément, je savais pas pour cette règle, comme quoi, voilà, Mais c'est pas grave, mais eux par contre ils le savaient. Je pense que la plupart des gens ne savent pas, mais eux par contre c'est sûr qu'ils le savaient. Après, je ne sais pas si. Parce que bon, voilà, Jean-Paul II il avait en fait changé, il avait promulgué un nouveau code de droit canon en 1983, donc je ne sais pas si justement il avait remanié un peu les règles comme ça et que finalement le conclave ne reste plus autant secret qu'avant avec le code de droit canon de 1917. Est-ce qu'il y a peut-être plus de liberté là-dessus? Mais bon, après, c'est vrai qu'on peut se poser des questions là-dessus. Ils ont dû alléger, oui, comme tu dis, en fait, Wojtyla, Jean-Paul II, a été en fait le gros moderno, c'est de lui que viennent les pires discours, les mythes, là où Paul VI lui a flingué tous les rites, par exemple, la consécration de l'épiscopat à la nouvelle messe, par exemple. Et dans le droit de canon de 1917, mais même de tout temps, en fait, le catholique est tenu au silence. Aujourd'hui, c'est impensable parce que toute la presse, elle hurle, c'est le moindre potin, oui, quel cardinal, etc. Normalement, on avait vraiment pas le droit, on devait pas en discuter, on attendait la décision sagement de l'Église et tout ça. Bon, là, tout ça est fini, maintenant on est dans le spectacle absolu, le bruit systématique. Et, je suis en train de vérifier ce que vous dites en même temps, et d'après les informations que j'avais déjà un peu vérifiées avant l'émission, encore une fois, je mettrai un peu de conditionnel, mais j'ai l'impression que je vais pas devoir amender ce que j'ai dit, parce que même sous Jean-Paul II, et en fait, il a confirmé que le fait de révéler des détails à la presse publiquement, normalement, ça donne typiquement une faute canonique extrêmement grave qui entraîne une excommunication de facto. Alors peut-être qu'il y a une exception, peut-être qu'il y a un adoucissement, mais en tout cas, bon, si c'est pas une excommunication de facto, ça reste quand même très grave. Pour les raisons qu'on comprend, bien sûr, hein, Vous rendez compte quand même des enjeux qui sont les nôtres dans ces moments difficiles. Donc on peut pas, c'est pas possible. C'est pour empêcher tout lobbying aussi, hein. Et puis évidemment Jean-Paul II lui il fait une assise d'ailleurs de Vatican II puisqu'il y a un nouveau droit canon, il y a un nouveau catéchisme aussi de l'Église catholique là. Le premier c'est de 83 et l'autre c'est de 92 le catéchisme. Donc lui il a vraiment établi les assises de Vatican II et notamment dans ce droit canon on voit des allègements surtout pour ce qui concerne l'enfer, le péché et la condamnation de l'hérésie et des hérétiques par exemple. Tout ça est fortement allégé, progressivement allégé. C'est encore ça l'enfer? Ça se bine ça. Sauf pour les nazis formalitaires, comme Ludwig. C'est ça. Oh non, t'inquiète pas, moi je suis bien formalitaire et matérialitaire en même temps, ouais, ça c'est effectivement. En puissance et en acte. En tout cas, les modernistes, ils n'ont pas perdu de temps. Hein. On pensait qu'on disait, allez, on va avoir peut-être 2-3 mois pour souffler, ils vont se mettre en place, ça va prendre du temps. Non, ça, il fallait compter sur les Allemands. Quand c'est pas les Allemands, c'est les Français généralement. Hein. Le clergé moderniste allemand, le clergé moderniste français, c'est souvent ceux qui partent bien en tête dans les pires hérésies. Le clergé allemand, pareil, on mettra le lien hein, pour ceux qui diront ouais, vraiment, ils s'exagèrent et tout. Ils ont fait des petits manuels, vous savez, des manuels pour expliquer aux gens comment est-ce que les couples irréguliers pouvaient recevoir des bénédictions. Alors, couple irrégulier, les gens ils vont se dire « Ah, quand même, qu'est-ce que c'est les divorcés, remariés ?» Oui, oui, c'est vrai. C'est, déjà, c'est, on va dire, c'est mignon. Hein, c'est le fameux péché mignon. En fait, surtout les homosexuels. Mais on préfère dire « couple irrégulier ». Ça passe mieux. Donc, on leur fait des manuels pour, au clergé pour expliquer qu'on va faire des bénédictions donc, aux couples homosexuels. Donc, des bénédictions, c'est mes notes, hein, je suis désolé, donc, je voulais te faire la blague. Je lis un petit bout de ce manuel, hein, on va rigoler. Le manuel précise qu'il faut encourager le couple et pour cela, tous ceux qui participent à la bénédiction y prennent part par des acclamations, des prières et des chants. Voilà, donc, prier, faire des, chanter la gloire aux homosexuels. C'est pourquoi la spontanéité de ces bénédictions doit se combiner avec le soin apporté à la préparation. Enculé, tapette, pédé, tarlouse, etc., etc. Donc voilà un petit extrait pour vous expliquer un peu le verbiage moderniste. C'est typiquement, on est en plein dedans. Hein. Donc c'est deux, trois vérités, des gros mensonges pour à la fin nous faire avaler une grosse pilule qui est complètement anti-catholique, la bénédiction des couples homosexuels. Good morning everyone, my name is Pastor Dr. Martin Semper. I'm here in the capacity as the chairman of the National Task Force Against Homosexuality in Uganda. We are making legislation to make sure that sodomy and homosexuality never sees the light of legality in this land of the Pearl of Africa. I've taken time to do a little research to know what homosexuals do in the privacy of their bedroom. One of the things they do is called anal leaking, where they, a man's anus is leaked like this. By the other person, like ice cream, and then what happens? Even poo-poo comes out. The other one poo-poo's out, huh? And then they eat the poo-poo. The other one they do is they have a sex practice called fisting, where they insert their hand into the other man's hand, and it goes all the, into the anus all the way, and it is so painful. They have to take drugs, but they enjoy it. Now, if we have any children, please step out. This is a parental guidance moment. That child can be moved out. So I've done research. This is what they do. Number one, you can see a man here having sucked the other person's rectum and the other person is poo-pooing. And this one is eating the poo-poo all over the place. Oh, huh? Tell me, when you have a law against homosexuality, do you say accept eating poo-poo? Hey, I mean, look at this guy sincerely. Bishop. Stagafulizer. Huh? Hajat. We do not want this sickness. This is sick and it's therefore deviant. We do not want it. Un couple homosexuel se présente devant un clergé. Normalement, le clergé doit répondre votre couple est en soi intrinsèquement un péché grave. C'est soit le célibat, soit vous mettez quelqu'un du sexe opposé, ou vous rentrez dans les ordres, mais bon, généralement, c'est pas conseillé pour ces personnes-là. Et il n'y a pas d'autre explication possible. Mais en fait, ces gens-là, ils fonctionnent toujours par une doctrine qu'ils appellent du cas par cas. Ils vont nous trouver des cas pas possibles, tirer des feuilles ou des trucs qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Ils vont trouver un truc où les gens vont se dire, ouais, quand même, il y a un petit doute de je sais pas trop quoi, tellement que c'est perché sur la lune. Et à partir de ce cas précis, cette exception d'exception d'exception, ils vont vous pondre une doctrine, et puis vous savez, donc vous laissez quand même passer un petit filet d'eau, puis à la fin, ils vous font couler un bain avec toutes les hérésies. Hein. Oui, c'est ça, les modernistes, ils agissent toujours de cette façon, c'est que voilà, on maquille l'hérésie et l'erreur avec un peu de vérité, en espérant que ça passe. Après, on adapte un peu le discours aussi, que ce soit dirigé vers des progressistes voilà, assumés ou des traditionnalistes ralliés. Là, on essaie voilà, d'avoir un discours un peu plus maquillé, un peu plus soigné pour donner le change. Combien de conneries et d'hérésie on va lâcher suivant le public qu'on a en face, quoi. Quand c'est des hérésies plus subtiles, etc., ça peut passer, mais voilà, après, quand c'est des trucs comme ça, ça veut dire que voilà, il n'y a pas de souci, ils assument, et que ça veut dire que ben, les fruits sont mûrs, finalement, et que la population, les fidèles sont prêts à accepter ça. Et quand on voit l'état du clergé catholique allemand, voilà, dans ce monde germanique, franchement, j'ai envie de dire, Hitler, viens nous sauver, là. Mais qu'est-ce que c'est que ces préjugés ? Ah, les Allemands, c'est... Franchement, c'est des pires. Et après, on se demande pourquoi... Les Français, juste après. Hein. Mais les deux là, franchement, les deux qui sont là dans le monde, c'est, on ne brille pas par notre intelligence. Hein. Oh, la honte. Et, ouais, et après, on se demande pourquoi Hitler était aussi féroce avec certains membres du clergé catholique à l'époque. Je crois que maintenant, on a la réponse. Hein. Les fruits étaient déjà en train de mûrir à l'époque, hein, avec tout ce démocratisme chrétien, ce prémodernisme, ce surnaturalisme, etc. Ouais, toute proportion gardée, mais comme vous l'avez fait, bon, il y a ce parallèle avec Ratzinger, Benoît XVI, puisqu'il y a toujours le côté un petit peu semi-tradit. En fait, moi, je dirais plutôt à l'inverse. Je dirais que Benoît XVI est d'un progressisme modéré. Et à lui, on doit quand même ce que Bergoglio n'a pas arrêté de vanter, à savoir que le dogme est en évolution. Il est allé un peu plus loin que Benoît XVI, mais c'est Benoît XVI qui l'a fortement pensé, qui en a fait l'assise de Vatican II, et même avant même d'être, entre guillemets, élu au souverain pontificat. Donc ça s'appelle la nouvelle théologie. On parle aussi d'historicisme du dogme. Par exemple, au IVe siècle, oui, vous enfermez des juifs dans les ghettos, c'est normal, c'est le IVe siècle. Et c'est bien du coup, non ? Non, mais bien sûr, c'est bien, évidemment, parce que la façon dont tu l'as dit, enfin, je voulais pas, et là, on arrive au 20e, 21e siècle, il y a Nostra Aetate et toute une série d'autres choses, il y a eu quand même Assise avec Jean-Paul II encore, hein, 1986, qu'il a répété en 93, je crois que c'est la première fois, je ne sais plus, où il y avait un Bouddha qui a été posé sur le tabernacle, vous savez, enfin, sur l'hôtel, quoi, je ne sais pas si c'était le camarade Vincent Renoir qui était de passage, quoi, mais voilà, il y avait eu ça, quoi. Donc, voilà, vous aviez dans ce qu'on appelait la nouvelle théologie dans les années 20-30, Lubrac, Maritain, tous ces gars-là, qui professaient un truc donc complètement condamné. Vous avez un passage d'Humani Generis, pour encore citer Pie XII, par exemple, comme ça. Et il y avait Rahner et Ratzinger. Et donc, les deux, on a appelé cette phase le Rhin se jette dans le Tibre, à savoir les Allemands modernistes se jettent dans la Rome moderniste, en quelque sorte. Hein. Et c'est excellemment bien représenté par une sortie de ce même Ratzinger. D'ailleurs, vous trouvez la source. Vraiment, j'ai les sources. Sur le site de la Frat Saint-Pie X et Econ et tout ça, en général, ils en parlent systématiquement. C'est vers l'année 1986. Il est interpellé par Monseigneur Lefebvre. Je crois que, bon, il était cardinal, hein, il me semble, hein, Ratzinger. Il lui répond. Bon, c'est sûr, en plus, l'antilibéralisme, Pie XI et tout ça. Hein. Et il lui répond. Mais Monseigneur, nous ne sommes plus au temps du syllabus. Voilà. Donc, il y a des choses qui sont vraies à certaines périodes et d'autres non. Donc, on se moquait énormément de ça. Bergoglio, évolution Pokémon, etc. Mais en fait, il a pris ses assises chez le théologien Vatican II en chef, si j'ose dire, ce premier chamelier venu de Ratzinger Benoît XVI. On peut dire qu'il a pris ses assises à Assise. Chez Assise. C'était le loup habillé en peau de mouton, quoi. Oui, il y a Monseigneur Tissier de Malin qui avait fait un ouvrage contre lui, L'étrange théologie de Benoît XVI, il me semble. Bon, là-dessus... En termes de critique théologique pure, comme ça, je trouve la Fraternité Saint-Pie X intéressante. Hein. Il y a même l'abbé Pagliarani qui l'avait répété. Ça, au lieu de parler d'herméneutique de la continuité, il parle d'herméneutique de la rupture, par exemple, pour se moquer de lui, en sachant que l'herméneutique, en fait, c'est une surinterprétation des textes au point où, en fait, vous lui faites dire le contraire, vous faites des saltos arrière, et ça ne vous pose pas problème. Pourquoi ? Parce qu'entre l'enseignement magistériel pré-Vatican II et post-Vatican II, il y a des oppositions frontales sur toute une série de sujets qui se rapportent à, notamment Ludwig en a parlé, voilà, l'œcuménisme, que ce soit avec les juifs ou pas d'ailleurs. D'abord, il était très intra-chrétien, le plus souvent, genre on se rapproche des schismatiques orientaux et des protestants, c'était moins choquant, on a le même Christ entre guillemets, et ensuite ça s'est rapidement élargi, hein, on a le même Dieu, voire la raison peut choisir sa religion, si ça lui fait du bien, c'est bon, donc sensibilité, psychologie... et relativisme et subjectivisme, les goûts collecteurs de toutes les hérésies et même de toutes les philosophies erronées pour accompagner Saint-Pie X. Donc voilà, ça y est, c'est du... Et quand on est au courant, quand on est conscient de tout ça, de tout ce qui s'est passé, comment être encore naïf par rapport à un Léon -14 qui, de surcroît, n'a connu que Vatican II. Ratzinger... certains, c'est des vagues à la Bosite, ils vont dire l'abbé Ratzinger, parce qu'il a été ordonné prêtre dans l'ancien rite. Là, je ne sais même plus pour Bergoglio, je crois que c'est soit il a été abbé, soit rien du tout. Et là, c'est le cas, en effet, de... Comment ? Rabbin, peut-être. Je crois qu'il rabbin. Prévôt 14, ordonné directement par les mains du rabbin de je ne sais plus quelle ville américaine où il est là. Bon, c'est pas New York, il est pas Chicago, dans le. Ouais, Chicago. Voilà, il n'est pas dans le berceau ultime, mais bon, c'est quand la même. Mère, Voilà, la maison mère. Et sur le fait de se contenter de petits bidules, j'ai vu des trucs qui n'étaient pas d'être reliés là. Il avait dit le mal ne passera pas. Et en fait, cette phrase ne veut rien dire. En fait, de quoi parle-t-il ? Le mal, selon lui, c'est quoi ? Apparemment, déjà, c'est pas le péché de chair. C'est nous, c'est les tradis. C'est oui, nous, voilà. Le mal. Là, déjà, Bobby a signalé, hein, c'est pas les sodomites, c'est pas le péché de chair, hein, déjà le mal. Là, c'est devenu le bien. Donc, le mal, c'est Monseigneur Lefebvre, c'est tout. Bah, le mal, c'est tous ces nazis, justement. Que ce soit les tradis, les nazis, les blancs, voilà, tous ceux-là, à la poubelle, voilà, c'est l'enfer direct. Hein, t'es et blanc, t'es catho, t'es nazi, voilà, enfer direct. C'est mort, t'es déjà condamné. Voilà, c'est la prédestination à la Calvin. Alors, en tout cas, bah, là, tu me tendais une perche énorme, Rex, hein, je suis obligé de la saisir tout de suite. Puisque tu parlais de, oui, bah, selon ma subjectivité, ma petite personne, je vais adorer le dieu X, Y, Z, qui est finalement le même dieu que vous, les catholiques, etc. Les jésuites espagnols, ils n'ont pas perdu de temps. Je ne sais pas si vous avez vu, ils ont publié une prière à Pachamama. Voilà, c'est officiel, hein. Pareil, on mettra le lien. À chaque fois, on mettra le lien, on met toujours les liens. Donc, c'est intéressant, quoi. Les démons païens, on fait des prières maintenant pour les démons païens, et apparemment, c'est catholique, ça. C'est pas Prévôt 14, c'est Démon 14. Alors, il est un petit peu plus rassurant, parce que c'est, comme on disait, c'est pas tout à fait le progressisme caricatural bergolien, même si, quand même, en fait, ça se dessine pas mal, hein, il le fait peut-être plus d'ici, je trouve, encore, ça manque cruellement de discrétion, je trouve. Mais forcément, Bergoglio, il y avait quand même cet aspect sud-américain où c'était la théologie de la libération, en fait. Donc, ça se mêle beaucoup de ce marxisme qui se dit chrétien. Genre Hugo Chavez fut-il sympathique socialiste national à certains égards, ça reste à voir encore. En tout cas, il était en lutte contre un impérialisme, ça oui, c'est sûr. Mais voilà, il y avait quand même toute la théologie de la libération. Donc on fait du Christ non pas un message d'abord surnaturel, mais directement d'un espèce de charpentier qui est en lutte contre le capital, en quelque sorte. Alors, Moi, j'aime Marx pour les mêmes raisons que vous aimez Jésus-Christ. Oui, voilà. Et ça, vous ne le savez pas, mais en fait, c'est démontrable assez facilement. Si on veut plus de précision, il y a Maria Valtorta, que vous pouvez lire, c'est de la daube, hein, ça fait 10 tomes, c'est illisible. Et en fait, ça précise, soi-disant, les évangiles. On entre dans le détail, il y a tellement d'anachronismes que ce fameux fils de Dieu charpentier utilise un tournevis qui n'a été inventé non pas au 1er siècle, mais au 17e. Je crois que les vis modernes, c'est même 2 siècles après, quoi. Faut presque attendre. Ils sont partis dans les couloirs du temps. L'ère industrielle, on va dire. Donc voilà, c'est un peu le stylo bic d'un certain professeur au chapeau. Mais ouais. C'est intéressant ça. Parce que est-ce qu'elle fait des prophéties un peu à la con comme ça ? Pour savoir si les tradis vont apprécier. Ouais, alors les tradis vont quand même apprécier, mais c'est vrai que c'est pas trop de la divination, on n'est pas dans le Marie-Julie Jaini en mode grand monarque, volcan de Namek. Stradamus, non ? Voilà, avec les volcans de Namek qui fument comme les bagnoles de cité ou les choses comme ça. Sauf en Bretagne. D'ailleurs, on se demande bien pourquoi la Bretagne serait épargnée, parce qu'il y a quand même des villes très cosmopolites. Les Bretons de souche, c'est assez préservé dans pas mal de coins, mais c'est aussi des gros gauchistes. Donc, on sent que le châtiment divin peut quand même venir, hein, je crois. Non, parce que s'il y a des prophéties et que c'est un peu, je sais pas, c'est un peu dingue, et que si en plus tu rajoutes des Frances finies de l'Église, normalement, si t'as la Trinité là, là les tradis, ils adorent. Hein. C'est carton, hein. Surtout si c'est très dingue, c'est très très dingue, les tradis font « Oh là là, c'est vachement dingue ce qu'elle raconte, ça doit être vrai, faisons une dévotion particulière. » Bah, il faut une filiation davidique et un Moïse qui est un Clovis qui est un Moïse au rabais. Au rabbin. Rabbin, voilà, France, Israël, bis. Voilà, le nouvel Israël qui n'est plus le royaume surnaturel hein, de Dieu, mais qui est littéralement la France et l'Église, dans une confusion entre les deux, c'est merveilleux. Hilar l'a dit, hein, la France, c'est l'Église. Si jamais tu es un Français depuis 50 générations mais que pour une raison XY, bah, tu deviens protestant, par exemple, bah, en fait, t'es plus français. Des canapus, pouf, magique, abracadabra. Et pour revenir, je voulais rebondir un peu ce que tu disais, quelque chose d'intéressant, Rex. C'est effectivement d'abord dans ce mouvement œcuménique qu'on a vu apparaître, effectivement, d'abord on se préoccupe de faire de l'œcuménisme intra-chrétien, justement, ouais, voilà, on a tous le même Christ, entre guillemets, il faut unir ça, puis maintenant c'est, on a tous le même Dieu, le Vatican, voilà, fin Vatican 3, 4, 5, et puis après j'ai envie de dire, ou alors tu fais comme Arnaud Dumouche et tu fais Vatican 19, et tu, finalement, bah, parce que Dumouche, en fait, il dit, bah, finalement, le salut, ce n'est plus ici-bas, mais en fait, finalement, si tu as été un salaud toute ta vie, finalement, en fait, tu as une deuxième chance dans l'au-delà. En fait, le Christ va se présenter sur toi et c'est à partir de là où tu pourras choisir si tu veux rejoindre le Christ ou si tu veux finalement le rejeter et tout. Le filet de sécurité, tu vois, comme si l'arbre ne tombait pas du côté d'une planche, quoi. Non, mais n'importe quoi. Hein. En fait, tu peux faire n'importe quoi toute ta vie, puisque c'est ça ce qu'il dit, hein. Parce que de toute façon, bah, à la fin, le Christ vient et puis il te sauve, et puis on va tous au paradis, Paul Naref, tout ça. Voilà. Et puis moi je prétends défendre une eschatologie nouvelle fondée sur un dogme nouveau, ce que j'appelle un dogme nouveau, qui a été proclamé par Vatican II dans Gaudium et Spes 22.5. En tout cas, la forme me semble solennelle, à savoir quelque chose que saint Thomas d'Aquin ne connaissait pas. Nous devons tenir que Dieu, par un moyen connu de lui, permettra à chacun la possibilité d'accéder au salut. Alors pourquoi Ludwig fait cette petite parenthèse? C'est qu'en fait, quand je dis que s'il vous plaît, aidez-nous à nous partager sur YouTube, etc., il faut le faire s'il vous plaît, parce que moi je me suis tapé en échange une compilation de débats avec Arnaud Dumouche pour préparer les émissions. Donc c'était beaucoup de sacrifices, d'accord? Donc j'ai beaucoup donné, c'est pour ça que je ne vous demande pas grand-chose en échange. S'il vous plaît, faites-le. Et effectivement, bah, Dumouche, alors, lui, il se place dans une version, donc c'est un progressiste, pas possible, hein, mais il se dit, je suis un peu plus à droite que les progressistes les plus fous, et donc quand on lui parle de tous les problèmes liés à Vatican II, en fait, ça vient pas de Vatican II, les problèmes. Lui, il arrive toujours à la même conclusion, il retourne sur ses pattes, pirouette inversée, triple salto arrière. En fait, c'est de la faute de mai 68, rien à voir, l'Église n'y est pour rien, Vatican II, etc. Non, c'est les autres, c'est mai 68. Ouais, c'est toujours l'argument, non, mais c'est juste que vous comprenez pas bien le texte, c'est mon interprétation qui est infaillible, et voilà. Et à la limite, ce mec-là est théologien, hein. Il a été théologien, il a enseigné pendant 20 ans chez les modernistes, et mais il enseigne aussi que Dieu ment et Dieu fait le mal. Non pas que Dieu aurait menti par omission en cachant des trucs, ou Dieu permet le mal. Non, non, non, non, non, non. Ce monsieur enseigne que Dieu ment vraiment, volontairement, en toute connaissance de cause. Saint Thomas d'Aquin, dans la Secunda Secundae, il dit, doctrine universelle, le mensonge est toujours par soi, c'est ce que vous citiez au début, hein, un mal. Oui. Jamais, jamais il n'est un bien, et donc il n'y a aucun cas où le mensonge peut être utilisé pour faire le bien. Tout à fait. Bon, alors maintenant, prenons... Donc, alors, oui, donc, allez-y mon père, oui. Donc là, vous dites bien que vous, avec ce cas-là, vous allez montrer qu'il est possible, même c'est un devoir, parfois, de transgresser cette loi universelle que vient de proclamer saint Thomas d'Aquin, à savoir qu'on ne doit jamais mentir. Vous allez dire, il y a un cas où on doit mentir, c'est bien ça? C'est bien ça. D'accord. Mais attention, hein, je n'établis pas comme doctrine. Comme dit le pape François, c'est la conscience sur le terrain qui doit être capable de juger. Et Dieu fait le mal, parfois, parce que des fois ça débouche sur un bien, en toute connaissance de cause. C'est ce qu'il enseigne. En tout cas, Jean 23, qui a appliqué avec une extraordinaire efficacité les ordres de Pie XII en demandant le mensonge pour sauver les enfants, est canonisé. Et moi, personnellement, quitte à risquer à arriver pas propre, je vous le dis, j'utiliserai le moyen mauvais. Donc, notre conflit, c'est pas la peine de le mettre en papier. Vous voyez, c'est pas un conflit doctrinal puisque je maintiens avec vous. Non, que ça sert à rien. Mais vous leurrez, Arnaud. Ça, oui, mais nos deux positions sont très claires. Notre conflit n'est pas doctrinal. C'est une doctrine que je maintiens avec vous. Le mensonge est toujours un mal. Mais je prétends, comme le pape François, qu'il faut en plus une théologie pastorale parce que quelquefois, nous sommes contraints de faire le moindre mal. Ça, c'est du niveau, dans mon première année de théologie, tu passes pas, quoi. Mais chez les modernistes, c'était Bah, il suffirait juste qu'il relise son credo, hein. Mon Dieu, je crois toutes les vérités que vous nous enseignez à travers votre Église et que vous ne pouvez ni nous tromper, ni vous tromper. Donc, là, il va vraiment direct à l'encontre de ce credo que normalement tout chrétien doit connaître. Quoi. Non, mais le niveau, et ça, c'est le meilleur des théologiens modernistes. Hein. Vous avez le niveau de ces gens-là. Hein. Non, mais on est prêt vraiment pour des cons. Hein. Je vais m'amuser à revenir encore à la source. Je parlais de discours onusien. Vous savez que Pie XII, il le tenait dans un sens tout à fait catholique orthodoxe, et Jean XXIII non. D'ailleurs, Jean XXIII a rencontré De Gaulle, Paul VI le rencontrera également. C'est vraiment la fusion, justement, là, c'est inverse de Pierre Hillard, hein, presque. Vous avez le Vatican sécularisé qui rencontre la France sécularisée, puisque la Ve République bafoue les lois de Dieu dans les premières lois qu'elle a ramenées dans ses fourgons. Il y avait de toute façon les communistes, les francs-maçons, les juifs, etc. Enfin, tous les ennemis de Vichy, en quelque sorte. Les homosexuels, les francs-maçons en prison, c'est certainement le premier souhait que caresse chaque Grolandais. Et ce brave Jean XXIII, d'ailleurs, avait été éloigné par Benoît XV. Pie XII a maintenu ça avant de le rappeler à Rome. C'est un peu... les modernistes font ça contre les tradis ou tradis ralliés maintenant... ils les éjectent un peu loin en mission, des choses comme ça, enfin maintenant, il y a ça depuis 50 ans quoi. Ce Jean XXIII, il ménageait les communistes, la franc-maçonnerie. S'il n'y avait peut-être pas des choses trop publiques ou des déclarations, des choses comme ça, bah, il n'a pas réitéré des condamnations, il n'a pas fulminé ou quoi que ce soit. Donc là, ça tranche aussi de ses prédécesseurs, sans doute pour de diverses raisons contextuelle italienne et même presque familiale, quoi, parce que par exemple Paul VI, lui, il était d'un milieu famille coco. Albino Luciani, Jean-Paul Ier aussi, son père qui était socialiste, qui a fait le gréviste au début des années 20 contre Mussolini et tout ça. Par contre, sa femme la femme de son père était très pieuse et catholique. C'est pour ça qu'il a eu un peu les deux volets, si l'on veut. Et pire que ça, parce qu'on a des gros dossiers contre Montini Paul VI et Roncalli Jean XXIII moins. Après, quand on s'y intéresse de près, si, parce qu'il a amnistié et même réhabilité les théologiens autrefois sanctionnés. Lubrac, là, tous ces gars-là, toute cette liste-là, il les avait sauvés. Donc ça, c'était déjà très douteux. Outre l'affaire Cardinal Siri, bon, il y en a qui disent qu'il a été élu, c'est une thèse un peu complot, hein, mais c'est vrai que Siri était très conservateur. Je ne sais pas si vous avez déjà lu son texte là, sur le voile chrétien pour les femmes à l'église, c'est voile Akbar version christianisme, hein, par exemple. Et puis il n'y avait pas que ça, il était vraiment d'un genre Pie XII, c'est sûr que s'il avait été élu, ça aurait encore un peu retardé les choses, on va dire. Et Cardinal Ottaviani et Bacci, ils faisaient d'ailleurs l'éloge, c'est ceux qui ont rédigé principalement la nouvelle messe, ils faisaient déjà l'éloge, ou du moins ils soulignaient la modernité, pour ne pas dire le modernisme de Roncalli. C'était franchement perceptible, quoi. On sentait que voilà, c'était le lendemain de la guerre. Donc là, on va donner un peu raison à Arnaud Dumouche, c'est pas mai 68, mais après 45, avec la mort des régimes nationalistes et la perte de la foi, la sécularisation des États, l'arrivée des coteries juives, le retour et tout ça, bah, on sent que oui, en effet, ça a salement pesé jusque le Vatican. Et puis comme on intervient maintenant dans les conclaves, dans la presse, comme on disait, bah, c'est pas impossible qu'il y ait même du lobbying, quoi, depuis, forcément, c'est plus assez internalisé, en quelque sorte. Si vous êtes une puissance juive, vu les enjeux qui sont quand même les nôtres, évidemment que si vous avez ces informations précieuses qui tombent dans le domaine public, vous vous en servez pour influer, évidemment, bien sûr. Donc c'est pour ça que c'est dangereux. Et tu faisais bien de dire, Rex, ouais, que quand il est mort, ouais, Jean XXIII Roncalli, il a été... oui, il y a notamment la franc-maçonnerie mexicaine qui l'avait rendu un hommage. Et effectivement, je crois que en fait Roncalli, dès la publication de sa première encyclique, que je crois que c'était Pacem in Terris, donc la paix sur la terre, t'avais des milieux francs-maçons qui déclaraient ouvertement que, je cite de mémoire, la lumière de la franc-maçonnerie s'illumine sur le Vatican, ou quelque chose comme ça. Donc voilà, dès sa première encyclique, Roncalli, il était validé par les ennemis de l'Église, quoi. Ouais, ce qui n'est pas étonnant, et là, il se sauve, le Dumouche, machin, mais c'est pas conciliaire, il pose des actes, il prétend donner des enseignements. Donc tout ça, ça laisse des traces, ça a un impact et on peut le constater. Il ne s'agit pas de faire un jugement ecclésiastique, mais d'utiliser la faculté de raison. Et ce Montini Paul VI, même derrière, en 1964, c'est carrément, il rencontre le patriarche schismatique Athénagoras Ier à Jérusalem. Et dans l'esprit œcuménique, parce qu'on pourrait dire, ah, il le rencontre pour faire du méga apostolat super cathotradi, bah non, c'est dans une logique de... Et d'ailleurs, bah, il lève les excommunications séculaires contre lui, tenez-vous bien, qui datent de 1054. Le mec, genre 900... Tranquille. Ouais, quasi 900 ans après. On s'est trompé pendant 900 ans, chers amis, voilà, chers fidèles. Il faut, on s'est trompé, quoi. C'est voilà. Les couilles sur la nappe, les pieds sur la table, à l'aise, quoi. Ou alors, ils avaient raison à l'époque, mais c'était de la sociologie et aujourd'hui, on a raison de dire le contraire. C'est l'historicité du dogme, Rex t'a dit. Donc en fait, 2 plus 2 égale 4, c'est vrai en l'an 1000 et en 2025. Faut voir. Ouais, voilà, c'est la grosse logique, quoi. Ça sent très mauvais. Quelques derniers mots pour Léon XIV. Bon, ben, on lui souhaite un bon pontificat factice. Bon, le bonhomme, il a 69 ans, donc il est relativement jeune. Si le statu quo ne bouge pas trop dans les prochaines décennies ou années qui viennent, on risque de l'avoir pendant au moins une quinzaine d'années, voire 20 ans. Personnellement, j'espère juste que... il sera dans la lignée de François Bergoglio et que finalement, justement, il dévoile un peu plus le modernisme dans toute sa splendeur pour que les cathos tradis ralliés, ils arrêtent de se fourvoyer, de s'illusionner. Souvent, les dadons de la farce, un niveau politique et religion appliquée, on va dire ça, cette nouvelle doctrine que je viens d'inventer. Non, mais on les aime, hein. On les aime, ce sont des gens qu'on côtoie, ce sont nos amis et tout. Mais on va dire globalement, sur la naïveté du contradit, dès qu'il y a un truc un petit peu conservateur qui vient de Rome, alors là, le même sketch qui a été fait pour Benoît XVI, hein, là c'est un peu plus timide, mais il tombe dans tous les panneaux, et collectivement parlant, c'est jamais de très très bonnes analyses, le mec il valide tout, un attentisme pas possible, et puis à la fin, ils se font bouffer, hein, ils acceptent petit à petit, hein. Si vous voulez, ils sont allés tellement loin que maintenant, ils peuvent bien faire 2-3 pas en arrière, ils en ont fait 15 en avant. À la fin, les gens, ils gobent de trois petites conneries, un peu de droite à gauche. Comme la frappe, d'ailleurs, s'est fait bouffer un peu petit à petit, quoi. Le fait d'aller demander comme ça, à toquer à la porte de l'évêque du coin, alors est-ce qu'on peut marier les gens ou pas, alors qu'avant, c'était impensable. Bon, bah voilà, ils ont concédé des petits trucs à droite à gauche. Alors j'ai la frappe, je fais un petit pied de nez à la frappe, c'est ce que j'apprécie un peu le plus pour les temps qui courent, parce qu'ils rendent quand même bien les services avec leurs sacrements et tout, c'est extrêmement pratique. Donc, mais les autres aussi, hein. Alors, je vous parle même pas de l'Institut du Bon Pasteur ou l'Institut du Christ Roi. Alors là, par contre, les types, ils ont plongé... ils plongeront un peu moins dedans lorsque la messe tridentine exceptionnelle sera bridée pour de bon et qu'ils devront absolument faire la messe Paul VI, sinon repartir dans leur grotte. Ils le feront pas, parce que maintenant qu'ils se sont fait bouffer, c'est trop tard, hein. Institut du bon pastis, hein, s'il te plaît. Alors pourquoi est-ce que Adrien Boisy fait ce jeu de mots? Je l'ai pas compris. Ah, j'ai des connaissances un peu plus conservateurs qui valident le fait. C'est l'objet de consommation, hein, si vous voulez. D'accord. Il est présent sur la tablée, peut-être pas sur l'autel, hein, mais voilà. Après, tu as parlé de la messe Paul VI. Elle est en partie ringarde pour diverses raisons. Déjà, il y a la messe Maya où il y a certaines messes là, qui commencent à doubler. Il y a Mathieu Lasagna qui a fait une réforme aussi. Voilà, la réforme lasagniste, on le soutient. Aussi, en fait, le moindre conciliaire, c'est un peu la collégialité plus, célèbre un peu comme il veut. Ça veut dire, à compter que la Veriout ait raison, il traite du rite pur. Il décontextualise un peu le côté subversif de Vatican II, il veut juste étudier le rite, mais il y a aussi l'application freestyle du curton moderniste, parce que si tu commences à balancer la guitare et je sais pas quoi, tam-tam Mamadou, là, c'est le doute, il commence à s'élever à 100%, quoi. La validité, ça commence à être vraiment, vraiment très chaud, quoi. Oui, juste, je mentionne, il y a eu une réponse, je sais plus l'ouvrage de la Berriou sur cette question, le titre est repris exactement, les éditions Saint-Rémy. Il y a un autre abbé qui lui a répondu en 2023, hein, les deux ouvrages, c'est la même année, il me semble, Je ne sais pas ce que ça vaut. Il faudrait que je m'y intéresse un jour, mais les deux, hein, pour ce qui est de la Berryou et de l'autre abbé que je méconnais totalement d'ailleurs. Sur les rites, Paul VI, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est ça. L'abbé Rioux, quelque part, le valide, tandis que l'autre abbé essaye de le contrecarrer, pas que sur son terrain d'ailleurs, je pense. Il va traiter aussi de l'aspect. J'ai le bouquin juste à côté de moi, l'abbé Rioux, qui s'appelle Mémoire en faveur de la validité du nouveau rite de la consécration épiscopale promulguée en 1968 par Paul VI, un titre assez complet. J'ai lu qu'un petit quart pour l'instant, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Il est assez convaincant, je trouve, mais, alors c'est pas pour critiquer du tout l'abbé Rioux, en fait, la faiblesse vient de moi. C'est que je pense, je pense que c'est un livre qui est adapté à ceux qui ont déjà de bonnes bases. Et moi, je pense que je suis un peu à la ramasse et que j'ai du mal un peu sur cette histoire de rite et tout. Je suis pas au point. Donc, c'est très complet, c'est très précis. Et pour les petites âmes comme moi, c'est trop précis. Donc, vous en ferez ce que vous voulez de cette info. Le prêtre qui lui répond, c'est réponse A, et ensuite le titre que tu as mentionné, de toute façon. On dit souvent dans le milieu catho traditionnaliste que en matière de sacrement, on doit plutôt aller vers ce qu'il y a de plus sûr, quoi. Et donc, à partir du moment où on commence à modifier comme ça, on peut quand même, ça devient douteux. Et dès que ça devient douteux, faut quand même partir du principe que ça peut être invalide. Et donc, il ne faut pas prendre le risque et rester avec les sacrements de toujours, quoi, et les rites de consécration qui ont été utilisés par l'Église depuis 2000 ans, quoi. Donc après, je voulais revenir sur ce que tu disais, Bobby, effectivement, sur cette attitude des cathos, des conciliaires tradis, ralliés. Il suffit que les papes modernistes fassent deux pas en arrière, tandis qu'ils font en même temps 15 pas en avant, et tout leur est cautionné, quoi. Il suffit que les papes disent 2 plus 2 égale 4 et tout leur est pardonné, quoi. Enfin, finalement, c'est un peu comme l'attitude des simps à l'égard des femmes, quoi. Dès qu'une femme dit que l'eau ça mouille, que 2 plus 2 égale 4, voilà, c'est ma reine, c'est la nouvelle Jeanne d'Arc. Ah ouais, voilà, quoi. Marion Maréchal, la nouvelle Jeanne. Exact, putain, bien vu, parce que j'avais pas du tout anticiper cette analogie. Excellent. Donc on peut voir un parallèle entre la relation simp-femme et conciliaire tradis pape moderniste. Voilà. Les conciliaires tradis, c'est les simps des papes modernistes. Ah, excellent, bah oui, c'est vrai, hein. Excellent. En plus, les tradis, c'est d'autant plus grave qu'ils s'attachent en priorité au non nécessaire, c'est-à-dire à la liturgie. Enfin, non nécessaire. Non, je me corrige, c'est trop fort. Aux apparences. Voilà, aux apparences. Voilà. Disons qu'ils préfèrent les apparences à la doctrine. Ce qui est quand même une aberration. Dans le meilleur des mondes, il faut avoir les deux, mais si vraiment tu dois choisir, tu prends bien sûr la doctrine, et puis bon, bah, dommage pour les apparences, quoi. Mais les tradis, ils disent « Ah, oh, regardez, il y a de l'encens !» Ouais, il y a de l'encens, mais à côté, t'as pas de chamama. Ouvre les yeux, Coco. Du moment qu'il a l'encens, du moment qu'il a sa cathédrale et le beau tabernacle, c'est bon, voilà, les apparences sont là, ça veut dire que je suis au bon endroit, voilà. Ah, parce que le tradi, ça, avant d'être un tradi, c'est un bourgeois, souvent. Ça, c'est un gros souci, il y en a un problème. Donc le bourgeois, il est conformiste. Ça, c'est problématique. Bah, de toute façon, c'est ça, ils veulent pas s'arroger l'autorité alors qu'ils font des sacres sans mandat, n'est-ce pas ? Et les modernistes auraient l'autorité, tandis que eux, la foi, mais on leur désobéit quand même. Et si on leur désobéit pas et qu'on se dit c'est vacantiste, on dit que c'est quand même matérialitaire parce que l'encens est bio. voilà. Donc, voilà. Alors, éco plus. L'encens éco plus. On contacte un peu le tradit. Encore une fois, on vous aime. Hein. Franchement, c'est des gens qu'on vous côtoie tout le temps. On traîne tout le temps avec vous. On veut pas traîner avec les autres. Donc, c'est qu'on vous aime. Mais il faut se rendre compte aussi que c'est trop facile de dire le problème, il y a toujours que des autres. Ça, c'est pas, je sais pas, catholique. Il y a aussi des choses à amender de notre côté. Il faut aussi commencer par notre côté. C'est vrai que quand on balance le modernisme, les papes conciliaires, bah en fait, on traite du problème et à aucun moment on trouve une solution. Et comme vous le dites, s'attacher au signe extérieur, bon, c'est un minimum. C'est un minimum. Non, il faut bien, mais si on est vide de fond, là, c'est le cadavre ambulant, quoi. C'est grave. Le temps joue contre nous aussi. Hein. On a bien vu ce qui s'est passé avec les évêques de la Frate. Voilà, maintenant, il n'y a plus que 1,5 environ. Et ce qui ne s'est pas passé, même, on a presque envie de dire. Ouais, exactement. Alors, en plus, on ne peut pas nous critiquer là-dessus, parce que nous, on appelait de nos voeux dans l'émission à plusieurs reprises, pitié, donnez-nous tort, quoi. Et malheureusement, ça vient pas, quoi. Donc ça serait bien que cette histoire d'évêque à renouveler, ça se concrétise un peu, parce que je trouve ça extrêmement dangereux. Et on, voilà, par exemple, typiquement, une faiblesse qu'on a dans notre camp, c'est que face à cette situation précise, on entend trop souvent « Oui, Dieu trouvera une solution à tout, la Providence. » Ah, certes, certainement, j'en conviens, mais concrètement parlant, on a aussi de se poser la question. On ne vit pas dans une bulle que de théorie aussi, donc des gens pratiques dans un monde réel. Donc ça, c'est le genre de faiblesse qu'il faut qu'on corrige. Hein. Mais je m'inclus dedans, vous n'avez pas vu qu'il faut que vous corrigez, il faut qu'on corrige, nous. On veut des encensoirs dans lesquels les archanges fument, quoi. On veut pas d'un cirque de foire où il n'y a plus d'évêques tradis et d'un seul coup, du coup, c'est le Monseigneur Guignolo du Vatican qui débarque, là, le paladin et ses théologiens, d'ailleurs, ses théologiens clowns de brocante à la Arnaud Dubouche. Voilà, ça va finir clairement comme ça, quoi, s'il n'y a pas un minimum d'autonomie qui peut exister quand même plus, même si c'est parfois un peu plus le bazar. Chez les Williamsoniens et les CD-vacantistes de toutes sortes, de toutes sous-cabines. On dépasse Léon XIV au Vatican et Léon XIV au Canada, parce que vous savez qu'il y a un faux pape Léon XIV qui faisait suite au faux pape. On va rire un petit peu, qui faisait suite au faux pape Grégoire XVII. Et donc, Grégoire XVII, le nom est usurpé par l'église Palmar de Troyes, qui proclame également des papes. Il y a Pierre II, Pierre III, etc. Donc, il y a un Grégoire XVII. Les Canadiens sectaires se sont plaints en disant « Ah ah, Satan nous imite, vous voyez, c'est la preuve qu'on a raison. » Et là, Léon XIV, du coup, sur le jour J, hein, celui au Vatican arrive et celui au Canada fait un post Facebook. Genre, il y a 5 réactions sous le post. Que des MDR, les gens sont morts de rire, quoi. Il fait « Oui, c'est la preuve, vous voyez que j'ai raison, que je suis le vrai, que eux, c'est le démon qui manipule. » Donc voilà. Et ça dure depuis, je crois, facilement les années 80, hein, cette secte canadienne-là, plutôt du milieu francophone, d'ailleurs. Hein, donc il écrit aussi en français. La visibilité du post Facebook, c'est en privé sur un groupe ou c'est en public ? Si c'est en public, l'excommunication est valide, hein, l'excommunication Facebook. C'est vrai, elle est accessible publiquement, on n'a pas besoin de l'ajouter, donc tu dis bien, ouais, là c'est ex-cathédra. C'est le droit canon, c'est bon, ça passe. Ex-cathédra. Ouais. Ah oui, bah oui, voilà, forcément, si c'est un compte privé, ça veut dire que c'est pas infaillible, mais dès que c'est public, c'est déjà extraordinaire. C'est extraordinaire, voilà. C'est hyper ordinaire, c'est ultra méga giga ordinaire, voilà. Alors, je conclue ce petit dossier faux Léon XIV canadien. Énorme, il a 70 abonnés sur YouTube, donc c'est un sacré pape. Hein. Et alors, il y a même des vidéos, le christianisme est un polythéisme, genre limite la Sainte Trinité, il prend ça pour un paganisme, quoi, il est fou. Donc ces encycliques, autant les antipapes médiévaux sont sympathiques parce qu'ils étaient catholiques dans leurs pratiques et dans leurs enseignements, il y avait plutôt un vice d'élection, peut-être que c'était pas assez universel, ou un doute plané, etc. Là, on a des antipapes qui sont autant, voire plus, des guignols qu'au Vatican. Quoi. C'est le Henri V de la Croix, version catholique. Quoi. Comparé à eux, Prévôt Léon XIV, c'est Saint-Pie-X, quoi. C'est vrai. Il y a les papouiches, quoi. Je pense que les papouiches, c'est des deux côtés, quand même. Mais bon, là, c'est encore pire. Après, on peut quand même aussi espérer une potentielle canonisation subito de François Bergoglio dans les années qui viennent, quoi. Ah, bah ils font ça, maintenant, ils se canonisent entre eux, ils s'embêtent plus. Hein. Oh là là. Ah oui, là ce sera assez amusant, là. Donc, j'ai assez hâte de voir ce qu'il nous réserve, notre ami de Chicago. Puisqu'on parlait de Dumouche, il fait ça aussi. Parce que le pape nouveau canonise le pape précédent, donc ça prouve que Vatican II, c'est génial. Donc, bah, les canonisations des papes, normalement, c'est quelque chose d'assez occasionnel, quoi. C'est plutôt extraordinaire, quand même. Ça arrive pas souvent. Depuis Vatican II, là, c'est bon, je canonise. On fait un prix de groupe, là. Tiens, viens ici, toi. Hop, c'est lancé. Et Dumouche, puisqu'on parlait de Dumouche, d'ailleurs, suivez-nous sur Twitter. On fait des montages sympathiques sur Arnaud Dumouche, si vous voulez rigoler. Hop, la petite pub en passant. Ces salopards de juifs, quand tu vois les saloperies de juifs, tu me refuses le mariage? Mais qui es-tu, espèce de truie? Lui, il fait pareil, on lui demande des questions par rapport à Vatican II. Donc, l'abbé Guy Pagès, souvent, il fait des débats avec lui, Vatican II, etc. Donc, lui, il pose quand même certaines limites, tu vois. Et alors, Arnaud Dumouche, il a une très bonne explication pour expliquer les trucs de Vatican II. C'est l'explique Vatican II, par Vatican II. Donc on lui pose une question, ouais, mais là, ce truc de Vatican II, eh ben c'est très simple. Alors, le Concile Vatican II répond justement sur ce point du Concile Vatican II, et personne ne lui dit, mais Coco, c'est un raisonnement circulaire que tu es en train de faire, réveille-toi. Non, non, c'est... pas de problème. Bah, c'est-à-dire qu'il a du mal à concilier justement ce magistère post-conciliaire avec le magistère d'avant, donc forcément il est obligé de se cantonner là-dessus, dire... et en fait de se contenter juste, ouais, bah, Vatican II, c'est conforme au magistère catholique, parce que Vatican II le dit, donc voilà. C'est un cercle, c'est un cercle circoncis, voilà, donc c'est un circonciliaire. Non mais après, en fait, j'ai remarqué avec Dumouche, en fait, il va employer à tout voile l'argument de la pastorale. Il va te dire non, mais en fait ça c'est pas dogmatique, tu comprends, c'est pastoral, c'est-à-dire c'est, que, y a la règle générale, en pratique je peux l'écraser la règle, la foutre en boule, la foutre le feu au papier et c'est bon, ça va. C'est comme les musulmans, si jamais tu te caches quand tu fais un péché, tu peux te cacher en dessous de la table et boire de l'alcool, ça va, Allah il voit pas. C'est pas halal le côte de porc. Non, vas-y, c'est pas halal ça. Ça c'est halal le côte de porc. Qu'est-ce que tu racontes, wesh? C'est pas halal. Si c'est halal. Faut la côte de porc de chez moi, il est halal. Comment ça, la côte de porc de chez moi, il est halal? Qu'est-ce que tu racontes? Mec, je l'ai halalé ce matin. Tu l'as halalé ce matin? Ouais. T'es sérieux là dans ce que tu dis? Halal, c'est quoi? Moi, je l'ai sorti de mon four, j'ai fait halal. Quand tu dis halal, tu l'as halalé. Après, tu prends, tu mets en ton pain, il est halalé. Astaghfirullah, mais t'es sérieux là? Bah, en fait, ça fait lien avec ce que disait Rex justement avec la nouvelle théologie. C'est justement. Voilà, au 4e siècle, tu pouvais brûler les hérétiques protestants ou tu pouvais brûler les juifs. Et c'est bien du coup, non? Maintenant, voilà, en fait, c'est une nouvelle pastorale, tu vois, parce que voilà, les temps ont changé. C'était pas figé dans le temps, donc voilà, ça peut évoluer. Maintenant, voilà, au 21e siècle, maintenant, c'est on fait copain-copain avec le Bnei Brit et le lobby sioniste, voilà, tout va bien. C'est pastoral, donc... Ah bon, ça va, là. C'est tout est pastoral, c'est une mafia qui s'auto-canonise, un peu comme, je sais pas, comme un guignol qui se prendrait pour la lune. Et pendant ce temps-là, d'ailleurs, il y avait des dossiers ouverts en béatification, canonisation de Pie XII, par exemple, je sais plus si c'était Jean XXIII, Paul VI. Bon, tout ça a bien pris la poussière, par contre, tous les autres, là, on y va, ça balance de l'eau bénite. L'Esprit Saint souffle de partout. Chez les modernos, chez les communistes, chez les communautés protestantes, chez les bouddhas du camarade Renoir, et également dans Thaïs Descuffion. Que la franc-maçonnerie est aux avant-postes de la bataille qui importe si nous voulons façonner le siècle pour le bien de l'humanité. Un signe. Et sans doute le fait que la franc-maçonnerie a toujours été la cible des complotistes, des obscurantistes, qui lui attribuent une influence, la mettant ainsi à l'honneur. Un organe de presse vous a récemment fait procès de vouloir peser sur les débats relatifs à la fin de vie, usant au passage d'une iconographie qui était oubliée depuis Vichy. Voilà, nous sommes passés par Rome, allez, de retour en France, avec un projet de loi dont on avait déjà parlé aussi dans l'émission et qui vient malheureusement de se concrétiser. C'est le fameux projet de loi sur l'euthanasie. Au moment où on enregistre l'émission, je précise que le projet de loi a été adopté très largement à l'Assemblée nationale. Donc, il va passer par le Sénat, bien sûr. Hein, et donc, normalement, il va être validé par les deux chambres. Ça reste une projection mathématique qu'on fait, mais il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas comme ça. Et donc, le projet de loi sur l'euthanasie est adopté avec, en plus, un délit d'entrave. Donc, si jamais vous voulez empêcher quelqu'un de se foutre en l'air, donc vous êtes un criminel, vous êtes un salaud, donc il fallait payer une amende, même peut-être un petit peu de prison, comme pour les IVG hein, d'ailleurs. Il faut tuer des gens en fait. Le souci de la République, c'est il faut absolument que les gens soient tués. Donc euthanasie et les bébés dans le ventre de leur mère. Si vous empêchez ça, amende, sursis, prison. Donc un projet de loi qui avait été au départ plébiscité à fond par la franc-maçonnerie qui s'en est vanté d'ailleurs, ce projet de loi vient de nous et tout. Le Point, donc le journal Le Point, avait fait une une pour dire, bah regardez, les francs-maçons, ceux qui décident de la politique ou quoi, ils se vantent de pousser des lois et tout. Puis, les mecs se vantaient vraiment du truc, hein, c'était factuel. Et ensuite, on a eu, ah non, mais là, c'est les complotistes. Alors que les mecs se vantent de la chose. C'est un peu comme Mélenchon, en fait. Hein. Mélenchon, il aura à dire que le grand remplacement, ça existe. Parce que lui, il rajoute « parce que c'est formidable ». Au fond, qui parle le plus français en tant que nation dans le monde, eh bien, c'est la République démocratique du Congo. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'avenir à la langue française, ou dite française, appelons-la la langue commune, entre vous et nous. Il n'y a pas d'avenir sans le processus humain fondamental de la créolisation. Mais si vous vous dites que le remplacement existe, c'est complotiste. Ah, bon, comment on fait ? Je ne sais pas. Donc voilà, bah écoutez, la République de la mort continue à avancer ses billes. C'est parti, quoi. Pareil, on avait avancé dans l'émission que ça allait se faire de facto parce que les Français sont devenus athéistes, donc nihilistes, forcément. Quand on ne croit plus en rien, on se dit, bah, il faut qu'absolument que je profite de cette vie à fond et quand il n'y a plus rien à profiter, bah, je la coupe. Donc, logique des choses, vous coupez le catholicisme, vous avez un régime qui promeut la mort, tout simplement. Mais ouais, c'est ça. On est dans une société profondément malade, comme tu as dit, Bobby. Au lieu de sanctifier la vie, des politiques peut-être éventuellement, voilà, on promeut la famille, on promeut le mariage traditionnel, on promeut toutes ces valeurs comme ça qui ont fait notre civilisation depuis des millénaires. Et ben non, maintenant, tout y passe, on sanctifie on sanctifie la mort, c'est ça, avec l'avortement, la contraception, l'euthanasie. Et on remarque quand même à quel point ça va vite, hein, parce que bon, là, la constitutionnalisation de l'avortement, c'était quoi ? C'était l'année dernière, non ? Ou même cette année, je ne sais plus. Ben maintenant, voilà, maintenant c'est direct, maintenant c'est l'euthanasie. Et puis après, ce sera quoi la suite ? Logiquement, peut-être on va peut-être le constitutionnaliser comme ça, voilà, ce sera gravé dans le marbre et on ne pourra plus y revenir dessus. Enfin, constitutionnellement, j'entends. Après, voilà, pourquoi pas après, les suicides collectifs, des choses comme ça, tu sais, voilà. C'est une loi poussée par les francs-maçons à fond, et puis Macron a même tenu à tenir des discours, justement, dans certaines loges, là, genre la Grande Loge de France. Et en fait, on remarque, justement, avec cette sécularisation dont je parlais, des États, de Vatican. Et d'ailleurs, sur ces sujets, il est assez silencieux, le prévôt moins 14, parce que, à la limite, les prédécesseurs, je sais pas, jusque dans les années 80, les modernistes, ils étaient quand même contre les histoires de divorcés, mariés, avortements, même contre les capotes et tout ça. Maintenant, c'est fini, il n'y a aucune opposition, à part cercle de milieu de gens qui n'ont aucun levier de pouvoir, qu'ils soient tradis, nationalistes ou que sais-je, quoi. Donc voilà, là, on sacralise des choses qui sont tout à fait profanes, un petit peu comme le vaccin Pfizer avait ses hérétiques, quoi, ceux qui ne le prenaient pas, quoi. Donc là, c'est ça. Bon, c'est un bidule scientifique qui se prétend médical, mais qui apporte la mort, quoi. Donc c'est assez contradictoire. Bon, là, c'est pas vraiment un soin, hein, on va dire. Cette notion de fin de vie sur laquelle nous consultons avec des éléments très importants. Le premier, c'est bien évidemment le consentement de la victime, qui est absolument... De la victime pardon. Étonnant, on l'a sus. Pardon, pas de la victime. Le consentement du patient, excusez-moi, le consentement du patient. Et ça joue de la vie des hommes, en plus, donc ça n'est pas très drôle. Et en fait, on soigne le mal par le mal, quelque part. C'est un petit peu le vieux isolé dans les EHPAD. Au lieu qu'on ait une société un peu plus unifiée où les familles se logent ensemble, bon, ça c'est l'ancien temps, je ne dis pas qu'il faut y revenir, mais il y aurait peut-être des solutions variées, tout ça, ou alors que la famille ne soit pas très loin, au lieu d'être très loin dans une autre région, voire un autre pays, avec la mentalité cosmopolite, il y en a qui ont leurs enfants, mais qui ont des enfants quand ils en ont, mais quand ils en ont, des fois, ils sont partis aux États-Unis ou je ne sais pas où. Donc voilà, déjà moins d'isolement, moins de solitude, en fait, il faut plus d'enfants, plus de vie, plus... c'est ça qui manque, hein. Autrement, les gens ne se jetteraient pas par la fenêtre. Bon, il n'y a pas que ça, hein, mais c'est quand même un des petits buts minimaux de la vie, quoi. On veut réaliser des choses ici-bas, notamment fonder un foyer, c'est quand même un petit truc, si on est honnête avec soi-même, on a envie, même si c'est un sacrifice, il y a des difficultés ou tout ce qu'on veut. Bon. Voilà, donc là, c'est soigner le mal par le mal, c'est sacraliser ce qui ne l'est pas, donc bon, Ludwig dit pourquoi pas le constitutionnaliser, de toute façon, par le discours, ils le font, hein, c'est très moralisateur, on a l'impression que c'est un sermon alors qu'ils ne sont pas prêtres, et on parle toujours de ce voilà droit de la personne humaine, en fait. C'est pour ça que je dis qu'on est encore dans l'humanisme maçonnique et Vatican II à sa façon aussi. À noter quand même que bon, la loi est passée largement, hein, elle est passée aux trois quarts, mais grâce tout de même un peu avec l'aide de députés du Rassemblement National, donc une vingtaine de députés du Rassemblement National qui ont voté pour, hein, notamment le club de la Rondelle du RN, qui très clairement est sur cette ligne athéiste, nihiliste, jouissons tant qu'on peut, et donc la fin de la vie, je la décide dans les conditions que je veux, et puis parce que de toute façon après il y a rien, hein, parce que c'est ça leur ligne. Les lignes de boomers, hein, les boomers maintenant ils sont devenus complètement athéistes, ils ont peur de la mort parce que ils se disent bon bah après il y a rien, quand même c'est angoissant. Oui, c'est angoissant. Ouais. C'est la République vous angoisse. C'est un régime qui angoisse et qui tue la République. On ne dira jamais assez. Donc voilà, merci au Rassemblement National. On se demande à quoi ça sert, en fait, le Rassemblement National. D'ailleurs, ils sont pris des petites élections législatives partielles, qu'ils ont toutes perdues. Hein. Voilà, comme ça, c'est réglé. Les gens, ils se disent, à quoi sert ce parti qui fait du Macron? En fait, qui fait du Macron, mais en pire, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent même pas à faire du Macron. C'est comme les partis officiels, en fait. Ils sont vendus comme les autres, mais en plus, eux sont incompétents. Alors qu'au moins, Macron, il a une équipe de compétents pour faire le mal. Donc, les gens boutent ce parti-là, et ils ont bien raison, parce que c'est de la trahison pure et simple. Ça serait absolument pas passé sous Jean-Marie Le Pen. On aurait eu peut-être quoi, un ou deux députés à la marge, et les mecs auraient été exclus. C'est comme ça que ça serait passé. Là, non, une vingtaine de députés, ils le crient sur tous les toits, ils en sont fiers. Ces gens-là ne seront pas exclus du Rassemblement National, hein. Pas du tout. Hein. Ce sont des types qui sont en tête, hein. C'est les chenus, comment ils s'appellent l'autre robot, là, Jean-Philippe Tanguy, et puis... Alors, silence. Alors, oh, ce cri du cœur, j'avoue, Monsieur Tanguy, s'il vous plaît. Qui a inspiré, je pense, beaucoup de gens parmi nous. Cher je vous collègue. En prie, collègue de gauche. Monsieur Tanguy, s'il vous plaît. France... Silence pour la France. Encore l'autre mot, il y a tellement de mots, je ne sais plus les noms, là, celui qui a fait des photos à moitié nues dans des magazines homosexuels, je ne sais plus son nom. Bah, c'est quelque part, c'est un peu logique que ce soit des homos voilà, qui ne soient pas contre cette partie, parce qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas produire la vie, donc forcément, ils ne peuvent que produire la mort. Donc. Il y a une blague de Dieudonné là-dessus, c'est ils peuvent faire autant de choses qu'ils veulent ensemble, mais ce qui en sortira n'ira jamais à l'école. C'est le problème des Vikings de Backrooms. Mais là, Bobby m'a tendu une perche, c'est que par rapport au RN et à Macron, et même plus largement en fait, c'est là où on a un problème et il faut mettre de l'eau dans son vin. C'est un peu comme Saint Thomas d'Aquin, il valide par exemple le tyrannicide. Ah, bon, Marine Le Pen met beaucoup d'eau dans son vin, hein. Elle met aussi beaucoup de vin dans son eau. Oui, il y a plus de vin que d'eau quand même, malheureusement. Et c'est pas au figuré, c'est au propre. L'alcool est une drogue. Non, l'alcool, c'est l'abus d'alcool. L'abus d'alcool. Non, mais vous confondez tout. Et volontairement, vous confondez l'alcool et l'alcoolisme. L'alcoolisme, c'est l'abus de l'alcool. Donc, ouais, mettre de l'eau dans son vin, dans le sens, déjà, que quelqu'un soit tyrannicide, il faut qu'il y ait des paramètres qui rentrent en compte. Et en plus, il faut le remplacer. Et donc, si on ne vaut pas mieux qu'eux, que ce soit le RN et même plus largement la dissidence, etc., qu'on est incapable d'avoir un minimum d'unité doctrinale d'abord, un socle commun, un front uni sur lequel s'entendre, pour ensuite, voilà, incarner en quelque sorte le pouvoir, tant qu'on n'est plus nul, entre guillemets, déjà, on est le reflet de cette élite, hein, y a toujours un reflet, le régime c'est le reflet du peuple d'une certaine façon, chacun se noie dans son égoïsme et son hédonisme, donc y a une relation, ne vous inquiétez pas, elle est là, et elle est là même également. On a l'élite qu'on mérite, c'est vrai entre, je l'ai dit, l'État et la nation, l'État et le peuple en fait, mais également un peu comme les tradis et leur élite tradis et leur clair. La dissidence dite politique, médiatique et tout qu'on connaît, soralienne ou autre, et l'état mental des gens qui fréquentent et tout ça. Donc voilà, il va vraiment falloir ne pas être des reflets médiocres du régime pour pouvoir espérer incarner quelque chose et même que ce changement arrive. C'est un petit peu comme, là c'est à l'échelle organique, c'est moins vertical, mais ça a réalité. On se change d'abord soi-même avant de changer le monde. Si le lit n'est pas fait et que vous n'avez pas changé de slibard depuis deux semaines, bon, déjà, mettez un petit peu d'ordre dans votre vie et peut-être que vous arriverez à en mettre dans la vie des autres, à la limite. Jean-Robin, vous mettre en slip. Non, mais je crois qu'il y a même une citation de Tonton qui disait « Ouais, si tu veux tu veux changer le monde, ben, tu dois d'abord incarner ce changement. Là, Bobby a signalé culture de mort oblige, et c'est pas que ça, puisque non seulement on en fait la promotion, non seulement on a deux doigts de le sacraliser, mais en plus, c'est illégal de lutter contre, de le dénoncer, comme pour l'avortement d'ailleurs. Ça va le devenir, en tout cas, un peu comme ils avaient interdit aussi sur toute dénonciation de l'État d'Israël qui serait l'antisionisme assimilé immédiatement à l'antisémitisme. Quand on ne veut pas faire basculer d'ailleurs l'antisémitisme dans le crime de droit commun, ça veut dire que, en gros, Abdelaziz qui charcute de 200 coups de couteau au visage un pauvre type qui passait par là. Le Front National est à 30% c'est aussi. Pas, c'est pas ta ligne qui l'a mis à 30%, c'est parce que les gens en ont plein le cul des Arabes. Et vous, il n'y a aucune différence en fait, c'est aussi grave. C'est pas juste un propos comme ça, voilà, non, c'est, vous avez commis un crime de droit commun. C'est lunaire, mais voilà, c'est des tentatives qui ont été poussées un petit peu, quoi, ils ont essayé. Donc voilà, là, non seulement on fait la promotion du mauvais, mais en plus, ceux qui veulent le bien, qui veulent l'empêcher, et qui veulent le bien en plus, hein, faut les foutre en taule. Bon. Excusez-moi, j'ai pas beaucoup réagi parce que je vous écoutais d'une oreille attentive. L'autre oreille fonctionne beaucoup moins parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de bruit qui venait de cette oreille-là de la part des évêques de France. Ah non, en fait, pas du tout. Vous savez, ces gens qu'on n'entend pas du tout quand l'avortement doit passer dans la Constitution, quand là, on fait la promotion de l'euthanasie et qu'on, pareil, on fait passer un texte de loi. Normalement, ces gens-là, on devrait les entendre, mais à fond, quoi. À fond. Ça devrait être le sujet. Et puis, les gauchistes devraient même répondre pour dire, ah, vous voyez bien, hein, la fameuse Église catholique, elle est rétrograde, méchante, etc. Ça, c'est pas du tout passé comme ça, hein. On revient un peu sur le sujet, hein, mais on est obligé de rebondir un peu là-dessus, parce que, vu qu'on me propose des alternatives politiques, on essaierait bien d'avoir aussi des phares, hein, qui mettent en avant les alternatives. Et là, ce phare moderniste, bon, on n'a entendu du tout, hein. De la même manière que l'avortement était passé à peu de voix près en Argentine lorsqu'il y avait encore François, donc son pays d'origine, et qu'on n'a rien entendu de sa part. Et que si, tout le monde l'avait dit en plus, hein, les commentateurs politiques l'avaient observé, si le clergé moderniste avait tapé du poing sur la table en Argentine et avait dit, bah, finalement, fait un rappel de la doctrine catholique qui est, si vous faites ouvertement la promotion de l'avortement en public, vous ne pouvez pas accéder à la communion. C'est pas possible. Et donc là, ça aurait stoppé tout net. Ça s'est pas passé comme ça. Silence. De la même manière qu'il y a un silence en France. Bon. J'ai pas envie de dire qui nous dit mot qu'on sent, mais on y est, quoi. Ouais, c'est ça. C'est cette apathie du clergé en cette matière, effectivement. Et pour faire un parallèle avec l'Allemagne des années 30-40, on nous rebâche tout le temps sur l'action T4. Alors bien sûr, c'était plus que contestable ce programme, mais à partir du moment où il y a eu de vives protestations du clergé, là, le clergé il n'a pas été inactif, on va dire, en Allemagne à l'époque. Il a vivement protesté contre l'action T4. Et ben, dès qu'il y a eu ces protestations vives, ben, les nations socialistes ont tout de suite arrêté cela, quoi. Et c'est vieux comme le monde, hein. Le mal ne progresse que par l'inaction des bons. Here comes a new challenger. Parsifal vient de nous rejoindre. Bonjour Parsifal, comment ça va? Bonjour Bobby, en pleine forme. On tue les enfants à naître, on tue les vieux, on tue tout le monde, et puis pendant ce temps-là, d'ailleurs, les métèques, eux, qui se sentent pas concernés du tout par ces sujets de société, alors eux, ils vivent encore à l'ancienne, et ils ont bien raison d'ailleurs, eux, ils font 5, 10, 15 enfants, nous on en fait 1,2 par accident. Et puis, bah, de temps en temps, on lui met quand même une petite balle dans la tête dès qu'il y a un petit problème, quoi. Est-ce que ça va bien se passer au final, cette histoire? Je ne sais pas. Bah, ils viennent pour cotiser à notre place, c'est parfait. Ah oui, bah, c'est vrai qu'ils font des livraisons de repas. Donc ça fait augmenter le PIB de la France. À moins de vieux, plus de chances pour la France. L'équation ne peut être que positive d'un point de vue économique. Je ne sais pas si ça va changer au niveau des élections, du coup, quand ils vont buter tous les vieux. Mais c'est même pas le projet, en plus, hein. Le projet, c'est d'éliminer les gens. Comment ils présentent ça? Ils présentent toujours ça, en fait. Vous avez vu comment ça s'est passé dans le plateau télé, hein. C'est, ils trouvent pareil comme les modernos qui trouvent des cas théologiques pas possibles. Là, ils ont trouvé des cas, on va dire, où des mecs ont une santé complètement défaillante, où ils souffrent, etc. Ils les mettent en avant. Et puis après, t'as les handicapés derrière, on va dire, t'as handicapés pas forcément très, très lourds, qui sont en train de dire... attendez, nous, on n'est pas dans un cas aussi grave. Est-ce qu'on a le droit de vivre, s'il vous plaît? Ils sont en train de nous prendre un truc pour faire de l'eugénisme ? Comment ça se passe ? C'est toujours la même histoire. Hein. On amadoue le peuple par des exemples larmoyants. C'est exactement le même schéma que ce qui s'est passé pour la légalisation de l'avortement, de l'infanticide prénatal, à savoir faire pleurer dans les chaumières en présentant les cas les plus insupportables. La jeune fille de 14 ans violée par son grand-père qui ne rêve que d'être libéré de ce fardeau. Là, c'est pareil, on va nous présenter les cas les plus larmoyants de pauvres types qui ne peuvent plus, qui sont réduits à l'état de légumes et qui ont perdu tout espoir pour la suite. Les Français seront contre, hein, majoritairement, comme pour l'avortement, les Français sont majoritairement contre, mais à force d'exemples et de larmes tirées, on finit par les convaincre que c'est une bonne chose. Et puis une fois que la loi est passée, que le verre est dans le fruit, qu'est-ce qui se passe? Les cas d'application deviennent de plus en plus larges. Les barrières morales qui étaient présentées comme des moyens de sauvegarde sont retirés les uns après les autres. Et 20 ans, 30 ans plus tard, on se retrouve avec le peuple qui ne rêve que de... Enfin, qui se bat pour défendre ce qu'ils considèrent maintenant comme un acquis social. Les Français et les Françaises ne veulent plus revenir en arrière sur la peine de mort. Les Français et les Françaises ne veulent plus revenir en arrière sur le droit des putes à disposer de leur corps. Et ce sera la même chose pour... Et ce sera la même chose pour les, ce sera la même chose pour l'euthanasie. Ouais, en fait, tu fais bien de remarquer qu'en fait c'est toujours le même procédé, effectivement. On ne résume plus par la raison, mais par l'émotion. Donc forcément, c'est caractéristique de cette féminisation de la société. Comprenez, cette personne est dans cette fin de vie, dans un état pitoyable. Faut la comprendre, etc. Sniff, c'est un procédé qui a déjà été utilisé depuis des décennies pour l'immigration. Hein. L'exemple du bébé mort sur la plage, voilà, le pauvre migrant maghrébin mort sur la plage, etc. Voilà, pour dire accueillez 10 millions de mahométans voilà, parce que cet enfant est mort sur la plage. Voilà, c'est tragique, mais... Et c'est bien du coup, non ? Non, mais bien sûr, c'est bien, évidemment, parce que la façon dont tu l'as dit, enfin, j'ai compris, je voulais pas, d'une certaine façon, mais c'est pas. Non. Écoutez, c'est un cas, on va pas non plus généraliser, faire comme si ça c'était vraiment le. En fait, quand on voit les chiffres, en fait, la plupart du temps, c'est des hommes en bonne santé, il y a très peu de femmes qui viennent. Donc voilà, c'est toujours par les émotions, c'est plus par la raison, par des arguments d'éthique. Voilà, l'éthique, la morale, etc., on s'en fiche finalement. C'est juste tant que cette logique de la Révolution française, quoi. Je fais ce que je veux, tant que je ne te dérange pas, tu n'as rien à me dire, tu n'as rien à me reprocher. Donc je peux passer outre ces lois morales désuètes issues de la religion catholique, et voilà, maintenant on fait ce qu'on veut. Il y a une logique implacable, quoi. Dès que la machine est lancée, on n'arrête plus, quoi. Ah bah ouais, je vais lancer la machine tout de suite, parce que là j'ai un plan en tête pour élargir bien comme il faut les champs d'application. Donc là on est en train de parler du mec qui souffre à fond et qui veut en finir. Donc lui, c'est fait, la loi est passée, enfin va passer, va être confirmée par la deuxième chambre, le Sénat, et donc la loi va tomber. Je pense que la prochaine étape qu'ils vont nous pondre, ça va être de le même mec, mais qui est dans le coma. Donc, il peut pas répondre, il peut pas dire oui, je vais en finir. Mais bon, il est dans le coma, comme Schumacher, etc. Donc, lui, il y aura un petit délai un petit champ d'application juste pour lui. Donc, à faire. Hein. Ensuite, il faudra passer au consentement. C'est la prochaine étape. Donc, le consentement, ça va être très simple. On va encore présenter des cas à la marge. On va présenter quoi ? On va présenter des gens qui sont fous, qui n'ont pas la liberté de dire rationnellement qu'ils sont pour leur euthanasie, mais on va assumer que, on va partir du principe que, en fait, c'est ce qu'ils veulent, et donc ils peuvent pas l'exprimer, donc parce qu'ils sont fous, donc on va quand même l'appliquer pour eux, parce que vous comprenez, ils souffrent, et puis après, les fous, il y aura peut-être ceux qui ont juste un petit passage à vide et qui appellent au suicide, tout simplement, et puis après, ils vont se rétracter, mais est-ce qu'ils se rétractent vraiment? Et puis après, les dépressifs, vous comprenez, et petit à petit, etc., etc., etc., et à la fin, ça va être Gérard, t'as un accident de la route, t'as un handicap lourd, bah, on va te tuer, Gérard. Tu veux pas? On s'en fout. Petit à petit, la loi aura évolué, comme le dogme de Bergoglio, la loi aura évolué, et à la fin, ça sera de l'eugénisme taré, quoi. L'eugénisme taré. Ce qui est d'ailleurs, c'est ce qu'on nous reproche souvent à nous, hein, parce que le Ludwig nous a parlé d'Action T4, c'est souvent l'argument qu'on nous met comme ça dans les dents. L'eugénisme, oui, mais pas l'eugénisme. Il y a des manières de faire de l'eugénisme sans forcément tuer des gens. Par exemple, si tu sais que tu as une tare génétique énorme, t'es pas obligé d'avoir des enfants. Tu vois, t'as tué personne. C'est juste que tu fais pas d'enfants. C'est l'eugénisme, c'est pas juste je fous une batte dans la tête à des gens, tu vois. Ça, c'est des tarés. Ce que tu décris, Bobby, c'est pas de la science-fiction. Hein. Pour les pays qui ont déjà mis en place, déjà légalisé l'euthanasie, c'est ce qui se passe notamment en Belgique, où on peut faire la demande, un dépressif peut faire la demande d'en finir. C'est un motif suffisant pour demander l'euthanasie. Être dans un état dépressif lourd. Et il y a eu des cas médiatisés, j'ai pas les noms en tête là, il faudrait que je recherche, mais une jeune fille d'une vingtaine d'années qui a demandé à mourir parce qu'elle était au fond du seau. Donc c'est vraiment ce que tu décris, c'est un suicidaire. Le pourcentage de suicidaires qui font une tentative de suicide légère, c'est-à-dire je prends quelques cachets, c'est-à-dire qui volontairement minimisent la puissance de leur tentative. Dans la plupart des cas, c'est un appel à l'aide. Ils veulent attirer l'attention sur eux. Je vais pas bien, aidez-moi. Et je fais cette tentative de suicide comme moyen de montrer aux personnes qui m'entourent que j'ai besoin d'aide. Mais au fond, je ne désire pas réellement mourir. La même personne qui, dans une législation pareille, voudrait en finir, il lui suffit de faire la demande d'un médecin de recevoir la piqûre fatale. Et là, il n'y a pas de problème de dosage. Hein. La piqûre sera suffisamment dosée et la tentative sera convertie dans 100% des cas. Donc des gens qui auraient pu être aidés dans un monde sans cette législation criminelle vont se retrouver de fait condamnés. C'est exactement ça. Vous avez un type, c'est tout à fait ça, Percival. Vous avez un type qui est sur un pont, il est sur le point de sauter, et vous avez deux versions des choses. Vous avez notre vision catholique, bah, si vous voyez Jean de Seine, normalement vous parlez au type, vous lui tendez la main et vous lui sauvez la vie. Ou alors vous avez la vision républicaine. Donc là, Marianne, elle arrive, comme ça, elle arrive, grand coup de latte dans le dos du bonhomme. This is Sparta! Le type, il tombe du pont et il crève, quoi. Voilà. Choisissez votre camp. Ouais, on voit à quel point c'est finalement très, très satanique, justement. On encourage, on cautionne le désespoir. C'est exactement ce que le démon veut, quoi. Et on a tous ces suppôts de Satan qui cautionnent tout cela. Et tu as vraiment bien illustré, Bobby, à quel point ça peut aller très, très loin, cette histoire. Maintenant, on pourrait vraiment t'accorder le droit de te tuer pour un oui ou pour un non, quoi. J'ai les cheveux trop longs, j'ai un nez trop long, j'ai telle malformation. Nez trop long, peut-être que je serais. Bon, bref, je vais pas m'indiquer. Disons que j'ai des idées en tête. Voilà, j'ai telle malformation physique, j'ai tel trait de la mentalité, je sais pas quoi, qui est un peu trop défaillant. Arrête de te moquer du strabisme de Virginie Vota, s'il te plaît. Bon, voilà, on va quand même pas non plus faire trop d'attaques personnelles comme ça, mais voilà, pour un oui ou pour un non, on va vraiment accepter ça, voilà, comme si ça passait comme une lettre qui passe à la poste, quoi. Après, s'ils veulent euthanasier Poincar... Non, bref, on a dit qu'on arrêtait. Excusez-moi, je déborde. disons qu'il est éligible. En nous faisant croire que c'est parce que la société évolue qu'il faut que les sociétés évoluent. C'est exactement le contraire qui se passe. Mais Ludwig a tout de suite fait le bon parallèle. C'est vrai, à l'époque, les évêques se sont levés. Et non seulement ils se sont levés, mais l'Allemagne a écouté aussi, parce que là, les évêques de France, ou entre guillemets tels, on ne les entend pas, mais en plus, S'ils se levaient, à mon avis, ils ne seraient pas écoutés, à moins d'être une véritable force de frappe, ce qu'ils ne sont plus vraiment. Bon, voilà, après, c'est toute proportion gardée, mais aujourd'hui, ouais, c'est, ça ne vaut pas grand-chose, on va dire. Et, on précise que, voilà, normalement, l'Allemagne, c'était une dictature tyrannique, etc. les évêques, ils ont quand même pu se lever, quoi. Si vraiment il y avait une tyrannie, une persécution du clergé. Les évêques, ils n'auraient jamais osé de protester aussi ouvertement comme ça, et au point que les Allemands, finalement, les socialistes, ils ont fait un pas en arrière, quoi. Ils ont même tout arrêté d'un coup. D'ailleurs, c'est bizarre parce que vu qu'on a dit officiellement c'est un régime officiellement néo-païen, etc. Pourquoi est-ce qu'ils ont écouté l'Église catholique? Ils auraient dû s'en fiche. C'est marrant, tiens, ça tient pas debout leur truc. Oui, ouais. ça tient pas debout avec tout le discours. Ouais, Hitler, il régnait la terreur, on pouvait pas s'opposer à ce qu'il faisait, etc. La preuve, quoi. Le clergé, il pouvait s'exprimer librement et protester s'il le voulait quand il estimait que telle action du gouvernement était pas conforme à la morale catholique, quoi. On voit bien la différence entre un dirigeant qui aime son peuple et un dirigeant qui méprise son peuple. Comme l'a dit Ludwig, c'est vrai que là, on n'est pas face à la constitution civile du clergé. Hein. Il y avait plutôt un concordat entre le Reich et le Vatican. Donc c'était quand même une situation où il y avait un terreau plutôt favorable et une puissance épiscopale qui rigolait pas et qui était au maximum un soutien critique, mais pas une opposition frontale. La seule opposition frontale au Troisième Reich qui existait dans les frontières allemandes, si l'on veut, ou l'Anschluss, c'est les communistes en tant que tels, surtout. Sinon, les autres étaient soit favorables, soit plus ou moins favorables. Voilà, soutien critique, comme je disais, peut-être pour le cardinal Follabert, par exemple, qui répond un petit peu contre le néo-martionniste qui pouvait sévisser relativement à l'époque. Il y a des sermons là-dessus où il parlait judaïsme, germanisme et christianisme. Les sermons sont appelés comme ça, quoi. Donc voilà, là, évêques de France, ils n'existent plus trop pour ce qui reste. Et en version moderno, on les entend peut-être il y a quelques années, là, chaque dose Pfizer à la limite, quoi. Alors que normalement, l'évêque, c'est quand même l'avant-garde. C'est la plénitude du sacerdoce. D'ailleurs, on parle de lui en tant que prélat, et c'est un prêtre complet. Un évêque, on peut dire monseigneur, on peut même dire prêtre, ça n'est pas insultant. Mais il a la plénitude du sacerdoce. Il est l'égal des apôtres. Et les apôtres, ils ont fait l'apostolat dans le monde entier et ils n'ont pas dit coucou, j'ai pas d'autorité, MDR, merci, au revoir, ou alors le fait de se taire, quoi. Donc ça colle pas, on va dire. Ça, nous, on est en plein dedans. Donc dès qu'il y a des saloperies qui vont pourrir notre patrimoine génétique, qui vont simplement le stopper, c'est nous. Alors que nos métèques, eux, ils ne sont pas concernés par ces choses-là. C'est pas Mamadou qui va se faire euthanasier, d'accord? Mamadou, il va mourir de sa belle mort jusqu'au bout, et même s'il souffle martyr, il sera pas concerné par ces trucs-là. Ces gens-là, beaucoup sont musulmans, donc ils sont vraiment musulmans. Alors que nous, notre problème, et c'est aussi pour ça que le combat politique passe aussi par le religieux, n'en déplaise à certains sites soi-disant d'extrême droite qui font la proposition du néopaganisme, si vous supprimez le caractère catholique d'une civilisation, vous l'entraînez vers la mort. Parce que les néo-païens, ils n'ont aucune raison morale de s'opposer à l'euthanasie. Parce que les néo-païens, ouais, alors, c'est des athées, en fait, hein, c'est la même chose, ces gens-là. Personne n'est vraiment néo-païen, ils n'y croient pas, alors que personne ne croit qu'Odin, il était resté 7 jours suspendu à un arbre avec son œil, je ne sais pas quoi, bref, c'est des délires, quoi. Donc ces gens-là, vu qu'ils n'ont pas d'argument moral à opposer, ils ne peuvent pas en opposer, c'est pas dans leur doctrine, ils sont obligés de le valider, alors c'est ce qui se passe actuellement, hein. Je ne vais pas polémiquer, mais on peut citer quand même, je suis obligé de le dire, Démocratie Participative qui vient de faire un article aujourd'hui pour promouvoir l'euthanasie, hein, se applaudir parce que ça va faire de l'eugénisme, alors que dans les faits d'ailleurs c'est pas exactement ce qui va se passer. Bon, écoutez, le caractère catholique d'une nation, c'est inhérent à sa survie. Vous supprimez le caractère catholique, vous tuez la civilisation, c'est automatique. Ah, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Bobby. Enfin, je suis d'accord sur la vision globale de la chose, mais il y a un point sur lequel je suis en désaccord, c'est le fait de dire que dans une civilisation païenne, l'euthanasie serait promue. Non, le respect dû à ses parents, le respect dû au père, c'est une valeur indo-européenne archaïque qui a toujours existé dans les civilisations pré-chrétiennes. Tu as raison, je me corrige tout de suite, effectivement. Et en fait, j'ai dit euthanasie et j'ai pensé autre chose. En fait, j'ai pensé suicide, justement à cause de cet article de démocratie participative. Et là, pour le coup, je pense que je vais pas amender ce que je vais dire, parce que le suicide, dans beaucoup de civilisations païennes, c'est quelque chose de tolérable, ça peut même être considéré comme héroïque. Alors que, bon, bah, chez nous, on sait que, en soi, normalement, on sait que le curé d'Ars a mis quand même des exceptions à la règle. Mais bon, normalement, en soi, le suicide, bon, on peut pas dire que c'est un acte bon, quoi. Oui, absolument. Le suicide était sûrement vu d'une façon beaucoup plus positive en fonction des circonstances. Par contre, les faibles, les gens qui nous sont proches, on doit les protéger, que ce soit les liens du sang dans la famille ou les liens de voisinage, les personnes qui vivent autour de nous. Il y avait il y a toujours eu un vrai sentiment de solidarité, et donc on protège l'ancien qui ne peut plus subsister par son travail. Été pris en charge par ses enfants ou par ses voisins. Il n'y a jamais eu de volonté d'exterminer les anciens qui avaient perdu de leur utilité sociale. Par contre, effectivement, une certaine forme d'eugénisme avec l'abandon des enfants difformes qui ne pouvaient pas être, qui n'avaient pas d'avenir pour la société, oui, ça c'est quelque chose qui existait dans les sociétés païennes et auquel le christianisme est venu mettre un terme par ses valeurs supérieures. Toutes ces choses-là, que ce soit l'avortement, l'euthanasie, la contraception, l'LGBTisme, le transgenreisme, etc., c'est 90% des cas, ça concerne les blancs de souche, quoi. Tout moyen est bon pour systématiquement inciter les blancs à creuser leur propre tombe. Mais c'est même pas sanctifier la mort, c'est supprimer complètement la mort dans ce qu'elle a de noble et dans ce qu'elle a de divin. La mort n'est plus vue comme le moment où le fidèle quitte sa vie terrestre pour entrer, s'il a bien vécu, dans son éternité, mais c'est simplement devenu une étape commerciale. La mort est un business. Oui, tout à fait, ouais, tu fais bien de le dire, effectivement. Et une économie. Tu fais bien de le dire, effectivement, parce que maintenant, la mort, c'est le néant, c'est l'entrée dans le néant éternel. Pour les gens, c'est plus la séparation de l'âme et du corps, et qu'après la mort, ben, il y a une autre vie, il y a une autre patrie céleste, il y a une autre patrie, si j'ose dire, pour prendre une sorte de métaphore, voilà. Et que voilà, la vie, c'est seulement Dieu qui peut la retirer et la donner. Les gens ne croient plus en Dieu, et que voilà, pour eux, c'est eux-mêmes qui sont le maître de leur propre vie, et ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Ils oublient les 10 commandements, quoi. Et puisqu'on parle de business, je reviens sur les litanies de dérive auxquelles Bobby faisait référence tout à l'heure. Mais est-ce que vous voyez venir les problèmes liés à l'héritage? Ah oui, papa il veut partir, hein, vous inquiétez pas, hein, j'ai signé pour lui, monsieur le médecin, il veut partir. Hein, et puis, si vous êtes d'accord, à moi la maison à l'île de Ré. C'est d'accord, faites un biplomb, tu débranches, ah, ok, il est d'accord, c'est bon. Ouais, ou le mari infidèle ou la meuf infidèle, voilà, qui a son mari, je sais pas, qui a un cancer, tu vois, qui est en état terminal, je sais pas quoi, où il a un truc, il est dépressif. Ah mais écoutez, on peut le débrancher, t'inquiète pas, voilà. Puis voilà, comme ça il se débarrasse. L'État est sympa, là, il nous offre un moyen de nous débarrasser des boomers, j'y avais pas pensé. Ce qui est assez étonnant, finalement, quand on y réfléchit, Rex. C'est étonnant que ce soit Macron qui pousse pour cette loi, étant donné que son électorat majoritaire, ce sont les boomers. Pourquoi est-ce qu'il décide de se couper l'herbe sous le pied en permettant à ceux qui l'élisent de partir plus vite? Peut-être qu'il veut juste se débarrasser de sa femme. Hein. Ça, entre guillemets. Bon, mais pour revenir à ce que disait Farcel, bon, en soi, Macron, maintenant qu'il est en fin de mandat, il n'a plus rien à perdre, donc maintenant il se dit... Oh, il va revenir après, t'inquiète pas, et puis c'est contre François, ils sont assez... Peut-être, il redeviendra en tant que Premier ministre, ou tu sais, c'était comme ça, tu vois, on recycle les politiciens comme ça... Non, il peut à nouveau accéder à la présidence, hein. Là, il est obligé de passer la main pour un autre président, mais il ne peut pas avoir de mandat consécutif, donc il peut laisser passer un peu, et revenir en tant que président. Ouais, t'inquiète pas. Ouais, très bien. Bah, dans ce cas-là, voilà, ouais, effectivement. Il remercie son électorat boomer en disant bah, maintenant, vous m'avez bien élu, merci pour vos voix. Maintenant, vous pouvez vous tuer. Merci beaucoup. Ok, j'aurais bien aimé que Macron ne repasse pas, tout en sachant qu'il ne repassera pas, hein, parce que c'est un fils de pute. Et puis en faisant ça, il associe son nom à cette réforme. On le voit bien aujourd'hui, les Français contre la peine de mort louent cette crapule de Mitterrand. Et le premier élément dans le discours laudateur, c'est celui qui a eu le courage de supprimer la peine de mort. Macron espère sans doute qu'on se souviendra de lui comme étant le président qui a eu le courage d'autoriser l'euthanasie des vieillards. Ah ouais, il veut sa petite page dans son livre de Fernand Nathan. Voilà, c'est son objectif. Très bien, messieurs, je vous remercie d'avoir participé à ces deux sujets, on va dire, très très denses. Vous avez vu, on va à l'essentiel, et on va encore aller à l'essentiel ici, puisqu'on va voyager à nouveau. Donc nous étions à Rome, nous sommes repassés par Paris, et là nous allons aux États-Unis, plus précisément dans l'État de Washington, qui vient tout simplement d'interdire le secret de confession. Ça s'est réglé. Je voulais un article qui est propulsé par Riposte Catholique. Dans l'État de Washington, donc pas la ville de Washington, hein, l'État de Washington, la loi supprimant le secret de la confession sous peine de prison a été adoptée par les sénateurs le 28 février par 28 voix contre 20 et par les députés le 11 avril par 64 voix contre 31. Elle a été signée le 2 mai par le gouverneur Bob Ferguson qui a osé mettre en avant sa foi catholique, entre guillemets, et l'avis de son oncle, prêtre jésuite. Donc, secret de confession, c'est fini, à la poubelle. Et donc, je sais pas quoi, pirouette, abracadabra, salto arrière, fin du secret de la... Pareil, ça a des conséquences extrêmement graves, parce que, imaginons, vous êtes un grand criminel, d'accord, en fait, vous avez tué quelqu'un, donc c'est affreux. Et vous êtes catholique, vous vous en repentez, et maintenant, vous arrivez, en fait, devant le confessionnal. Et vous vous dites, qu'est-ce que je fais? Parce que, si jamais je dis rien... Je risque l'enfer pour l'éternité, et si jamais je dis quelque chose, je risque la prison peut-être pour l'éternité. Comment ça se passe? Donc en fait, c'est une incitation à ce que les gens ne se repentent plus et restent dans le péché, tout simplement. Donc c'est extrêmement grave, et donc ça a été voté. Je précise d'ailleurs que je me suis un peu renseigné sur la question. C'est la fin du processus, donc il n'y a plus de retour possible pour cette nouvelle loi, sauf à ce que... La Chambre des représentants aux États-Unis soit renouvelée. Donc, c'est à peu près dans 2 ans, je crois. Attends, donc, s'ils refusent de révéler le secret de la confession, c'est prison à vie, t'as dit ? Disons que pour dire les choses très simplement, tu vas confesser quelque chose d'illégal à un prêtre. Le prêtre est interrogé durant un procès. Il ne peut plus se réfugier derrière le secret de la confession pour dire « je ne vous dirai rien ». Donc, si jamais il a des informations et qu'il ne les divulgue pas, bah, le prêtre risque quelque chose. Est-ce qu'il est précisé dans ton article les conditions de cette levée du secret de confession? Est-ce que le législateur américain a ciblé un type de crime particulier, par exemple est-ce que ça a été fait pour cibler les affaires de pédophilie, ou est-ce que c'est vraiment général? D'après ce que j'ai lu, on va dire au conditionnel, ça a l'air général. C'est juste le secret de confession est en soi n'est pas recevable. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si tu faisais de l'obstruction à la justice, puisque tu détiens des informations et que tu ne peux pas les révéler, tu fais obstruction à la justice. Et donc, généralement, aux États-Unis, alors ça dépend des États, vous savez, c'est assez compliqué, les gens ils pensent que les États-Unis, c'est juste un pays complètement uniformisé, mais non, en fait, c'est fédéral, donc c'est des exceptions partout. Mais je ne sais pas comment ça se passe spécifiquement dans l'État de Washington, mais en tout cas dans beaucoup d'États, lorsque tu fais l'obstruction à la justice, généralement, tu es aussi inculpé en tant que complice. Donc, même si t'as pas fait les actes, tu détiens des informations, par exemple, sur un braquage de banque, t'as les informations, t'étais pas au braquage, Mais si tu révèles pas les infos, bah, t'es un peu complice du braquage. D'accord, je pose la question parce que j'ai vu, c'est pas la première fois que ça arrive. En Australie, en 2020, il y a plusieurs États, pareil, un pays fédéral, l'Australie, plusieurs États qui ont adopté des lois pour obliger les prêtres à violer le secret de la confession dans les cas d'abus sexuels du clergé. Donc si un prêtre a connaissance par la confession d'un autre clerc qu'il a commis des abus ou des attouchements sur des enfants, le prêtre qui a reçu la confession est obligé par la loi australienne de violer ce secret et de venir dénoncer son confrère auprès des autorités. Le sujet qui est mis en avant en fait derrière ça, c'est qui est la priorité à derrière la vie terrestre ou la vie éternelle. Puisque à un moment donné, il y a des gens qui auront commis des choses graves et qui vont devoir faire un choix entre les deux. C'est ça la vraie problématique. Et donc le problème de cette loi, c'est que de un, les prêtres vont être encouragés à briser le secret de la confession. Donc en tant que prêtre, c'est terrible, bien sûr, hein, le secret de la confession doit être inviolable. Et de deux, ceux qui ont commis des actes graves, eux vont être encouragés à ne pas se repentir, parce qu'ils ne veulent pas avoir de problème, donc ils ne vont pas accéder à la confession. Pour garantir, du coup, une paix temporelle qui est présentée comme supérieure, c'est-à-dire aux considérations éternelles de la vie après la mort, tout simplement. D'ailleurs, un prêtre qui révèle les secrets d'une confession, selon le code canon, il est excommunié laetae sententiae, donc il n'y a même pas de jugement nécessaire, il est automatiquement excommunié et ne peut plus donner de sacrement. Donc pour le prêtre, c'est vraiment une punition, une punition très importante s'il s'avère qu'il trahit le secret d'une confession, quel que soit le secret. C'est la règle qui est en vigueur dans l'Église. C'est vraiment inviolable. Bon, après en soi, peut-être l'Église conciliaire va se conformer à ce que l'État de Washington veut. Et finalement, si un prêtre est obligé et contraint de révéler un secret de la confession, je crois pas trop qu'il y aura des sanctions dans ce cas-là, je pense. Il y aura des sanctions chez les modernistes, tu fais ce que tu veux, Ludwig. Oh là là, des sanctions. Non, c'est ça. C'est McDo. C'est seulement si tu deviens Cédévac ou si tu contestes Vatican II, là, tu auras des sanctions. T'inquiète pas. Attends, si tu fais la messe qui a été faite pendant 1000 ans, là, tu prends des sanctions. Sinon, c'est McDonald's. Hein, c'est venez comme vous êtes, il n'y a pas de problème. Hein. Non, puis en plus, le gouverneur, là, il a dit, attendez... ils mettent en avant sa foi catholique pour faire un truc anti-catholique. Ça, c'est typiquement moderniste. Et puis donc, il a un oncle prêtre jésuite. Donc, voilà. C'est comme... monsieur, vous êtes antisémite? Non. À Hitler, mais j'ai un ami juif. Ça va Monsieur, vous êtes homophobe? Non, je suis Pierre Hillard sur Twitter. Ouais, maintenant, c'est catholique. Ça veut plus rien dire dans la bouche de ces gens, quoi. Ils sont catholiques de nom, mais dans la pratique... Oui, je suis curieux de savoir ce qu'il lui a dit, ce fameux oncle prêtre jésuite, là. C'est comme Biden, quoi. Est-ce qu'il était vraiment catholique, ce mec? Pendant tout le long de sa présidence, il encourage la sodomie, l'agébétisme. Qu'est-ce qu'il avait de catholique, vraiment, Biden? Parce qu'on a posé la question à Biden en conférence de presse, parce qu'on a dit, vous dites catholique, vous êtes quand même pour l'avortement et tout. Il avait répondu une première fois, oui, je suis pro-choix. Oui, c'est exactement ce qu'il m'a dit, donc en fait... pro-choix, pro-vie, hein, c'est comme ça qu'il se coupe entre deux groupes aux États-Unis. Donc on lui a reposé la même question, et il a répondu toujours un truc à côté de la plaque pour ne pas répondre, il a dit « Je fais confiance aux droits des femmes ». Ok, d'accord. Est-ce que tu comptes répondre à la question un jour ou non? C'est le genre de mec, vous lui demandez l'heure, il vous répond « J'aime la couleur bleue », quoi. Ça, c'est les modernistes. Hein. Ce qui est grave aussi là-dedans, c'est qu'un prêtre, notamment, il doit se tenir au secret de confession, et que c'est un péché très grave que de le révéler, donc... on le pousse à faire quelque chose en fait qu'il ne devrait absolument pas faire, qui se fait jamais. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas de femme. Non, je plaisante, mais voilà, comme ça au moins, on est sûr de garder le secret de confession. Il n'y a pas besoin d'en parler sur le lit matrimonial. Et donc là, ouais, c'est scandaleux et c'est une loi littéralement anti-catholique en fait, parce qu'on regarde la doctrine catholique, on se dit ça ne peut pas exister. Or là, on met sous pression et en plus avec menace de prison sur des choses. Voilà, il y a d'autres moyens de savoir si quelqu'un a tué quelqu'un et sans forcément commencer à mettre des caméras d'État dans les confessionnaux, parce que c'est la suite limite. On va pas compter non plus trop sur tout ce clergé moderniste pour s'opposer vraiment. Et donc, je crois qu'ils vont se coucher sans broncher. Je crois que le problème viendra surtout voilà, s'il y a des communautés tradies dans l'État de Washington, voilà, des communautés de la fraternité Saint-Pédis ou des CDVAC, tu vois. Si un de leurs prêtres viole ce secret de confession et tout ça, il sera un peu dans un cas de conscience parce que lui, au moins, il sera plus carré dans ce domaine-là, mais il devra faire face à un dilemme, quoi. Alors, c'est amusant, Rex, que tu parles de lit conjugal, parce que cette histoire de trahison du secret de la confession, ça me fait penser à Saint Jean Nepomucène, qui est entre autres un des saints patrons des prêtres, hein, en tant que fonction sacerdotale, Jean Nepomucène, qui vivait au XIVe siècle dans le royaume de Bohême, et qui était le confesseur de la reine de Bohême. Et le roi de Bohême lui demande un jour de trahir les confessions de la reine parce qu'il était persuadé que sa femme le trompait. Tiens donc. Et Saint Jean Venceslas a refusé de trahir le secret de la confession puisque c'est un sacrilège. Et le roi l'a fait torturer et l'a fait mettre à mort. Donc c'est suite à ce martyr-là qui a été reconnu pour la canonisation de Saint Jean Nepomucène. Mais vous voyez que les prêtres normalement sont sous la protection d'un saint patron qui a préféré mourir que de trahir le secret d'une confession. C'est tout un symbole. Pour rebondir sur l'anecdote de Rex, la petite blague sur les femmes, du coup, est-ce qu'elles savent tenir le secret de la confession, etc. En fait, c'est une demi-blague parce que c'est un problème, en tout cas, qu'on essaie de résoudre, qu'on pointe du doigt chez les catholiques, les prêtres catholiques qui ont l'autorisation, selon une discipline particulière, de se marier, ou plutôt, pardon, je devrais plutôt préciser ça, en fait, ce sont les prêtres, pas seulement les maronites d'ailleurs, qui sont soumis à une discipline particulière généralement en Europe de l'Ouest, qui sont déjà mariés et qui veulent accéder à la prêtrise. C'est pas qu'ils sont prêtres et qui ensuite veulent se marier, ça c'est pas possible. Donc certaines conditions c'est accepté, donc ils ont des contreparties, par exemple ils peuvent pas devenir évêque, entre autres, hein, parce que ça ferait trop de charges tout simplement, ils peuvent pas avoir trois vies dans une vie, c'est pas possible. Mais en tout cas, au moment de leur formation, on leur parle de ça justement, on leur dit... Bon, le secret de la confession, il est vraiment absolu, quoi. C'est-à-dire que même dans l'intimité, etc., non, il n'y a pas de « je dis un truc à ma femme, etc., c'est ma femme, elle ne dira rien », non. On insiste quand même là-dessus. Donc c'est une demi-blague, hein. Ça existe vraiment, ces problématiques-là. Ça met d'ailleurs en lumière la difficulté qu'ont ces prêtres de jongler entre ces deux vies, hein. Ça, puis d'autres soucis très pratiques, c'est que bah, le prêtre, du coup, il est complètement... pris par son ministère, qui c'est qui ramène l'argent, bah c'est sa femme. Le prêtre, il doit suivre sa femme si jamais, je sais pas, elle est mutée un peu à droite à gauche. Je parle pas bien sûr du temps qu'il a consacré à ses propres enfants, faire passer ses enfants avant les enfants des autres, mais en même temps, il est aussi le prêtre pour toute la communauté. Bref, je vais pas épiloguer là-dessus, mais c'est pas les gens proposent souvent la solution là pour dire ah bah vous savez, vu que le célibat c'est difficile, on n'a qu'à les marier et puis finalement les prêtres ils seront plus heureux comme ça. Attendez. S'il n'y a pas que des avantages aussi, hein, et des inconvénients. Puis être avec une femme au quotidien, c'est déjà un inconvénient. Mais bon, ça, c'est une petite analyse personnelle que je rajoute en plus. C'est très personnel. Voilà, c'est l'Église a fixé justement ce cadre. Soit on se consacre entièrement à Dieu, et donc voilà, on fait un vœu de chasteté. Donc voilà. Après, ce sont des prêtres qui sont. C'est pas rien à voir avec Vatican II, etc. La décadence, du laisser aller. Ce sont généralement en plus des communautés qui sont vraiment très très traditionnelles. C'est une discipline particulière dans certains pays, dans certains lieux, selon des conditions exceptionnelles. Vous en rencontrez pas tous les quatre matins, et c'est pas du tout lié à un truc de doctrine de Vatican II. Hein, c'était déjà présent bien avant ça. Voilà. Le sacrement de réconciliation chez les modernos, le sacrement égal et réconcilié. Ah bah forcément, parce que ils accordent l'absolution à 100%. Hein. Tu regrettes pas? Bon, allez, c'est pas grave, allez. Va et ne pêche plus. Ah, tu vas? Bon, bah, va quand même, hein. C'est bon. Ah là là, impénitente comme Cassandre. C'est gratuit, encore. très bien, messieurs. Merci encore de m'avoir accompagné pour cette émission. Donc, vous avez vu, c'était une émission qui était quand même assez dense, des sujets, on va dire, très, très divers qui ont été abordés. Je me permets de faire quand même des petits rappels. Je sais, je suis un peu chiant, mais je suis contraint de vous rappeler qu'il faut absolument nous partager un peu partout sur les réseaux sociaux. Et si vous avez l'opportunité de partager des éléments précis sur YouTube, on est hyper preneurs de ce genre de choses. Parce que si vous mettez tout le contenu Remus sur YouTube, je pense qu'il y aura une censure qui va s'appliquer parce qu'on peut rien dire sur YouTube. Mais si vous prenez des morceaux bien choisis et que vous mettez des liens vers notre chaîne Odyssée, ça nous ferait super plaisir. Toujours dans ce qui est de la pub, je rappelle qu'on a un compte Twitter, donc X, à l'adresse oremus-8 officiel. Abonnez-vous, partagez-nous. Je rappelle aussi que Riverol a lancé un cri d'alerte pour dire qu'à quel point ils sont en difficulté financière. On mettra le lien dans la vidéo, donc pareil, abonnez-vous, soutenez Riverol, parce que c'est dans les moments difficiles qu'on voit où sont les vrais amis, et je pense qu'en ce moment, ils ont vraiment besoin de nous. Et je vous dis au mois prochain, et normalement, le mois prochain, nous aurons un invité exceptionnel. Donc écoutez, tenez-vous au courant, nous on vous tiendra au courant, et ça risque d'être une émission, on va dire, très joyeuse, très positive. À bientôt messieurs, et au mois prochain. Au mois prochain. Au mois prochain, hâte de faire cette émission en compagnie d'Adolf Hitler. Au mois prochain, les amis, et n'oubliez pas que le travail et le Christ rendent libre, et hors de l'Église et hors des concentrations, point de salut.